Hello, this is Jace Hall, and you're listening to Wow Take You. Bonjour à tous et bienvenue pour ce 14e épisode de Otaku. Je suis avec Amandine. Bonjour Bonjour Amandine. Ludo. Et Circle. Bonjour. Et JP. Bonjour. Donc dans ce Otaku, nous allons vous parler du patch 4.0.1, mais Ah bah surtout, ça alors. voilà, l'info qui vient de tomber, qui est toute fraîche, c'est la cinématique d'introduction de Cataclysme. Voilà. Donc on va commencer par ça. Donc par la cinématique d'introduction de Cataclysme, et ensuite sera une très grosse partie sur le patch 4.0.1. Alors, bon, je suppose que vous l'avez tous vu cette vidéo. Bah Oui. encore heureux, elle est sur la page d'accueil de Wotaku. Voilà, donc déjà, moi ce qui m'a un peu étonné, c'est qu'on ait la vidéo avant la BlizzCon, parce que théoriquement c'est à la BlizzCon qu'on doit la voir. Donc là, je me dis, c'est bizarre, qu'est-ce qui va se passer à la BlizzCon? Est-ce qu'il y a quelque chose d'encore plus exceptionnel qu'ils vont annoncer? Est-ce qu'il y a eu des fuites? C'est déjà c'est bizarre en fait de la part de Blizzard qui te lâche le Moi, bébé une semaine avant. c'est bizarre. Bizarrement, j'ai lu ça sur certains, enfin, j'ai lu ça de certains gens qui commentaient sur Jeep et sur d'autres sites, disant que je sais pas comment expliquer ça. Ça serait en fait une genre de bande-annonce. Il y avait déjà un teaser. Après, ce serait une genre de bande-annonce avant une grosse vidéo, ce qui m'étonnerait largement. Mais je Ouais. trouve ça bizarre aussi qu'ils l'ont balancé. C'était quoi, la nuit du dimanche à lundi, c'est ça, ou dimanche très très tard. Ouais, je crois que c'est À dimanche vers minuit ou un peu voilà, avant, ouais. ils ont balancé ça et la fin de semaine. Donc on rappelle pour tout le monde cette fin de semaine, vendredi samedi, il y a la BlizzCon, ce qui est un peu bizarre. Ouais, c'est vrai que. Alors peut-être qu'il y a une plus grosse annonce, enfin, on espère, hein, parce que sinon ça va être pauvre en news, la BlizzCon, du coup. Si voilà, si c'est juste une fuite, alors là on va être un petit peu déçus quand même. Ouais, enfin, ça m'étonnerait que ce soit une fuite, mais bon, à voir. Alors, bon, Amandine, je vais commencer par toi. Cette C'est gentil. vidéo de Cataclysme, qu'est-ce que tu en penses? Bah, je sais que je vais sûrement me faire jeter des cailloux, mais bon, j'ai l'habitude avec les pavés. Mais moi, je n'aime pas cette vidéo. Enfin, pas dans le sens où elle m'a vraiment déplu, c'est que je trouvais déjà qu'à Burning Crusade, ils avaient fait super fort. J'avais adoré cette vidéo. Wrath of the Lich King, alors oui, c'est Arthas, il est sur son trône, il se lève, il tape par terre, il y a un dragon qui en sort. Non, franchement, on sent qu'ils se sont foulés. Et puis alors là, qu'est-ce que c'est? C'est un dragon qui se fait mettre des plaques, on se croirait dans Le Seigneur des Anneaux, là. Je reconnais tout à fait le décor. Non, en fait, il se fait poser son appareil dentaire, c'est ça. Voilà, c'est ça, on est en train de lui mettre des bagues, et puis ensuite il s'envole. Waouh, c'est le cataclysme partout, il se pose sur le vent, il crie. Waouh. Oh putain, elle te l'a résumé au strict minimum Ouais. la vidéo. Mais pour moi, c'est ça. Je veux dire, y a pas de combat, on voit pas de mecs connus, on voit pas très très bien les lieux. C'est beau, c'est très très beau, mais pour moi, c'est complètement creux. C'est vrai que l'aspect graphisme, enfin, ouais, l'aspect beauté, technicité, il n'y a rien à dire, on est tous d'accord Ah, là-dessus. c'est toujours le même. Comment dire, c'est la même fabrication que Blizzard de toutes leurs vidéos d'intro, quoi. De la première à celle-ci, c'est toujours été la même qualité. On peut pas dire. En tout cas, niveau technique, c'est parfait, hein, y a rien à dire. Carrément. C'est plus le contenu qui est un peu décevant. Bon, bah vas-y, JP, parce que t'as la parole, Ouais. dis-nous toi ce que tu en penses. Bah, moi, je trouvais ça décevant. Je sais pas, un truc. Bon, on s'attendait à la sortie à voir Neltharion qui sorte son truc. Enfin, mais je me serais attendu à avoir Neltharion qui sort son truc, et c'est ça, se passionne de son qui volet. sort de son truc, de sa grotte, je sais pas trop quoi, d'un volcan carrément, un volcan qui sort du milieu de la mer, j'en sais rien, enfin, une connerie dans le genre. Mais j'aurais préféré une vidéo à la style à la première vidéo ou à celle de BC où on voit les Worgen et les gobelins, on voit les nouveaux trucs, on voit les gars. Les nouveaux personnages avec genre les T11 ou T10 modélisés avec des montures en Azeroth, tu as montré un peu vite fait ce qui va se passer dans le jeu, enfin avec les nouveautés. Là, ben, c'est comme dit Amandine, on a Neltharion, il est pas content, il sort, Il montre qu'il est super classe, ça, il n'y a pas à dire, il est classe, qu'il n'est pas content. Justement, je sais plus, c'est TSG qui nous a fait une petite carte vite fait de par où il est passé. Alors, il fait des contours, il fait des détours qui servent strictement à rien. On le voit passer de Lok Modan à arriver à Hurlevent, tu vois. Ouais, mais ça, c'est fait le trajet d'en haut, le griffon, ça Ouais, passe souvent aux endroits inutiles. voilà. Mais sinon, la seule vraiment, la partie que j'ai kiffé, mais c'est la modélisation, j'ai trouvé ça énorme. C'est la partie où ils sont à Baie du Butin, où t'as le tsunami qui arrive sur la statue du Ah oui, gobelin, là. c'était magnifique. Ça, Avec franchement, c'est trop beau. le bateau qui se renverse, ça m'a fait penser au jour d'après. Donc, il y a un film somme toute convenable. Là, ça vraiment, c'est la partie qui fait son petit effet. Avec peut-être la partie avec les mille pointes aussi, où tu vois la flotte arriver dans les mille pointes. Là, c'est putain de bien modélisé. Et c'est le contenu qui est vraiment, mais qui est décevant au possible, quoi. J'avoue que ça m'a fait un peu la même chose parce que pour moi, ce que j'attendais aussi surtout, c'était de voir les changements importants dans l'histoire. Donc, par exemple, Garrosh qui reprend la Horde, Khern qui meurt, des faits marquants comme ça. Parce que c'est dans l'histoire de Warcraft, c'est imprégné depuis longtemps. Et là, de voir que ça change, c'est vraiment cataclysmique. Et moi, j'étais déçu de ce côté-là qu'on ne voit pas tout ça. Alors, certes, on va le voir en jeu, mais c'est vrai que quelqu'un qui comment dire, un nouveau joueur qui débarque là-dessus, ouais, il dit il voit un gros dragon, il sait même pas son nom, parce qu'au moment le nom est cité, si vous regardez bien, enfin si vous écoutez bien plutôt. Je le trouve incroyable, enfin courte, parce que enfin, je suis resté sur ma fin en fait, pareil. Ça fait un gros focalisation sur Neltharion, ok, mais c'est tout, il y a rien d'autre derrière. C'est que lui et pas, on voit pas d'alliance, on voit pas de horde. Voilà, bon après techniquement, je vais pas redire ce que vous avez redit, je vous rejoins à 100%. Mais je suis resté vraiment sur ma faim, je m'attendais peut-être un peu plus de peps, parce que j'ai trouvé quand même un peu molle la vidéo. Je suis pas d'accord. Bon, alors voilà, Vas-y, justement, Circle. je gardais la petite Circle en dernier, parce que lui, il est... Gueule-nous dessus, Circle, vas-y. Vas-y, Tino. Non, bah, soit les gens ont beaucoup aimé. Soit les gens n'ont pas aimé du tout. Enfin, on sont restés sur la fin en fait. Et bah, je sais pas en fait. C'est peut-être le fait que la vidéo soit différente des deux premières. Les deux premières, on voyait plusieurs personnages. On voyait le en guillemets le gros méchant ou le héros à la fin, comme pour Burning Crusade. Je veux dire où on voyait simplement des personnages, c'est-à-dire des humains ou d'autres races en train de se battre, etc. Ça donnait peut-être plus un côté action. Mais après, moi j'ai bien aimé parce que franchement déjà elle est super bien faite, on peut pas voilà, hein, on peut jamais rien dire là-dessus puisqu'ils les font bien. Mais je sais pas, moi j'ai eu des frissons quoi quand il s'envole en flamme. En plus je m'attendais vraiment pas à ce que ça se passe. Je m'attendais à ce qu'on le voit mais pas comme ça quoi. Et moi j'ai bien aimé. Alors peut-être oui ça montre que lui, mais en même temps c'est lui qui casse tout. Hein. Bon Ouais. voilà. Non, mais Après, vous c'est. avez le droit de pas aimer, c'est clair, mais moi je suis pas Enfin, je d'accord. trouve que juste une vidéo sur le boss de fin, ça fait très light. D'autant plus que c'était déjà le cas pour OTLK, donc c'est pas très novateur. Bah, disons que même pour Arthas, je veux dire, le final, il monte crescendo en fait, le final, tu vois. Mais là, dans cette vidéo, je trouve que même le final, il est mou. Alors que par exemple, quand on a eu la preview de Cataclysme, quand ça a été annoncé à BlizzCon il y a 2 ans, je crois, un truc comme ça, là, la vidéo était vraiment exaltante. J'étais scotché du début à la fin, les frissons de partout. Et la fin, c'est Eldemort est de retour, tu vois, le truc qui te met. Hein? Pas ses cojones, tu vois, le dragon. Alors que là, même à la fin, c'est tout mou, tu Je te vois. rejoins, même à la fin, on dirait qu'il se pose avec délicatesse limite sur les tours de Hurlevent pour pas qu'elle s'écroule trop. Alors que moi, j'aurais bien voulu la façon dont il atterrissait, qu'il écrase tout. Ah, moi J'étais j'aurais bien voulu qu'il pète limite sur le vent, je suis frustrée. plus hein. Ah ouais, moi j'aurais bien aimé qu'il crame, tu vois, tu sais, qu'on le voit sorti, qu'on le voit s'envoler, tu vois, on le voit s'envoler, en plus c'est super bizarre comment il s'envole. Tu sais, il devient tout fin. Enfin, je trouve ça bizarre. Il devient tout fin à ce mec-là, mais je m'attendais à ce que, tu sais, il fasse un genre. Enfin, il déploie ses ailes, puis là, il commence à cracher ça, du feu sur les. Tu vois, comme un dragon, quoi. Il crache du feu sur Hurlevent. T'entends les hurlements et tout. Que ça se fasse vraiment cataclysme, là, t'as pas un pet d'humain, déjà. T'as pas un pet de personnage. Non, on dirait qu'il est Et tout seul dans un voilà. environnement vide. Voilà, c'est ce qu'ils disaient, enfin, ce qu'ils disaient les auditeurs sur le forum, c'est que t'as l'impression qu'ils ont fait ça dans un serveur privé, tu vois. Exactement. En voilà. fait, Neltharion est hors de lui parce qu'il n'y a strictement personne et il est grave dégoûté. Vous êtes où? Et même, c'est vrai, cette image d'Hurlevent, tu le vois au-dessus des tours, puis après, on dirait qu'il essaie de passer entre les statues. Il fait, oh mince, j'en ai fait tomber une. Exactement, pardon. Il pousse la tour de droite. Oups. Désolé, j'ai pris un peu de poids. Hein. Voilà, et là il s'envole et il dit c'est bon, je vais vite me barrer avant qu'on me dise quelque chose, tu Merde, vois. j'espère que personne m'a vu. Je sais pas, moi, la fin, ouais. Peut-être que la fin est un petit peu trop. Ah, je suis là, c'est cool. c'est le Mais fin de bon, Bowser, voilà. quoi. Sérieusement, le raz-de-marée qui arrive sur Ah ouais, c'est beau, quoi. Putain, Ouais. le souffle sur Oberdin, quand il sort simplement du truc, il s'envole en flammes, là, qui sort de l'explosion. Franchement, voilà, quoi. Peut-être qu'ils n'ont pas fait un truc en crescendo à la rigueur. Mais je trouve que ça définit bien le mec qui s'est fait juste armurer comme un taré, qui sort, qui fait le tour, au petit tour de propriétaire, et qui vient là où il y a les humains, puisque c'est contre eux qu'il s'est battu, enfin je veux dire en principal, qu'il a essayé d'asservir. Bah, il arrive, je suis de retour. Tu vois. Pas Après, content du tout. ouais. Par contre, alors, un gros moins un, mais alors sérieusement, un gros moins un. Si vous cherchez quelqu'un pour faire la voix, en français, Ouais, je prêt. suis disponible. J'ai environ 150 potes qui peuvent faire mieux. Parce que moi, j'ai entendu la VO en premier, j'ai entendu le gros BANG comme ça. J'étais là, waouh, là il a une voix, il rigole pas. On voit que c'est un vieux monsieur, on voit que c'est C'est un voilà, dragon, quoi. c'est un dragon, c'est un des boss et tout. Ok, même Illidan aussi, il avait sa propre voix. À Anahuertas, avec une voix, voilà, une voix un peu esprit, un peu bizarre. Et là, on arrive en VF Oui, Neltario, c'est moi, j'ai c'est fait, Neltarion. non, ça fait, mais Arthas sort de ce corps, ça fait, sérieusement, c'est le même mec qui a dû faire la voix, ils ont mis les mêmes effets. J'ai été vachement, vachement déçu sur la voix française, quoi. Voilà, je le dis, je sais que je vais me faire taper, mais je m'en Façon, fous, la je suis VE, libre. c'est mieux. Puis c'est vrai, avec nos casques, on peut faire différentes voix. La voix de. Alors, le Neltarion un peu plus jeune avec la voix de Kevin, ou un peu plus vieux, tu vois, avec la voix un peu plus grave. Bon, dommage, c'est la Non, j'ai seule version l'impression française. qu'ils ont pris le, t'sais, un pack effet, en fait, un effet sauvegardé sur la voix, puis qu'ils ont fait pareil, quoi. Et cet effet, franchement, si vous écoutez le je fais pas pareil, mais si vous écoutez la vidéo qu'on a fait sur le Pass Arène, au début, je fais la même voix, quoi. Je dirais, pourtant, je suis de loin qu'un amateur. Ils auraient quand même pu prendre un mec qui avait des cojones pour faire la voix, quand même. En fait, Voilà. il devrait vérifier à l'emploi, à l'embauche. Montre-moi tes couilles, voir si t'en as, tu vois. C'est Oh, c'est de la mort de la pesée. voilà. Bon, je crois qu'on est tous d'accord pour dire, enfin, plus ou moins d'accord. Déception. Niveau technique, c'est sublime, il n'y a vraiment rien à dire. Niveau histoire, on s'attendait peut-être un peu plus. Vivement un film. S'il pouvait faire le film avec des vidéos, enfin, avec dans le même style, je lui dis banco, ça c'est le meilleur film de tous les temps, quoi. Ouais, il sort dans 50 ans, tu sais. Les Ouais. mecs, ils mettent, je suis sûr, Déjà, ils mettent genre 2 ans pour faire la cinématique de 2 minutes, tu vois. ils mettent 2 ans en 2 minutes. Ouais, ce rythme-là, pour un film d'une heure et demie ou 2 heures, on n'est pas sorti, quoi. Mais bon. Enfin voilà. Non, mais Ouais. sinon ça reste quand même un sacré boulot. Et moi, Oui, franchement, quand tout à je l'ai fait. vu, déjà faut l'avoir en anglais, faut la découvrir, faut pas s'y attendre, faut. Voilà, on sort d'un coup, oh, une vidéo, j'appuie dessus et Ah, bouh, moi, tu vois. je l'ai regardé, ben, le matin en me levant, en regardant la page. J'allume Facebook, je vois Circle qui l'a posté sur son Facebook. Je fais, merci Circle, j'aurais pas besoin d'aller la chercher comme ça. Donc, je la regarde et là, je veux dire que la première fois, j'étais sur le cul. La deuxième fois, j'ai commencé à regarder les défauts et j'ai été déçu quand même. La première fois, franchement, ça prend au trip, même si t'es un peu déçu à la fin, parce que Bah, c'est c'est le vraiment but, trop court. c'est ça le C'est but, hein. trop court. À la fin, tu te dis, mais putain, mais je veux voir quand il détruit le vent, quand il fait chier les nains et tout, j'en sais rien. Ouais. Moi, ce que j'ai fait, j'ai mis lecture et j'ai tout de suite mis pause. Je me suis dit, bon, allez, la prochaine, c'est dans 2 ans, alors profite des 2 minutes. C'est exactement Et j'ai ça mis que j'ai lecture. fait. Mais le truc qui m'a un petit peu embêté, c'est alors sur le fait qu'on voit que lui, en fait, c'est quand même d'autres gros événements quand même, je veux dire. Bah, pour tout le monde, je veux dire, il y a des chefs de guerre qui tombent quand même. Il y en a qui manquent, il y en a qui se remplacent. Bon, je parle peut-être plus pour la Horde, mais voilà. Il y a des nouvelles villes qui sont prises pour les gnomes, etc. Il y a pas mal de choses qui changent en dehors de Neltarion, quoi. Ouais, enfin, à la fin, je me suis fait la réflexion. Là, je disais, ouais, j'aurais bien aimé voir les Wargles, les gobelins et tout. Si on rajoute toutes les nouveautés, à la fin, Laisse tomber, le film d'une heure et demie, on l'a, quoi. Alors, elle fait 4 minutes. Ils ont bien réussi d'en baisser, à montrer ouais. les races, à montrer les Dan à la fin. Et c'était vachement. C'est vrai que c'était plus prenant aux tripes. Mais disons de voir Lidan juste à la fin, ouais. parce qu'on l'entend parler tout le long de la vidéo, et tout d'un coup on le voit, et ah, là ça m'avait, mais limite ça m'avait foutu les frissons. Oh, puis peu... Burning Crusade, quand on voit la femme avec l'elfette de sang avec son espèce de Wyrm de mana, ah c'était tellement beau, je me le suis repassé mais des centaines de fois. Oh. Enfin, de toute façon, ma vidéo préférée, ça a été la première. Voilà, c'est la première vidéo d'intro de WoWanilla. C'est la plus belle. Franchement, c'est celle que je préfère de toutes celles qui ont été présentées pour l'instant. L'intro de WoWania est la plus belle. Pour moi, c'est celle de Cataclysme. Franchement, je me suis fait limite pipi dessus quand je l'ai vue. De Cataclysme, tu viens de nous dire. Pardon. Ah, voilà. Arrêtez qu'on parle de pipi. Ça fait 10 minutes qu'elle vient de descendre la vidéo, d'un coup elle dit qu'elle s'est fait pipi dessus en regardant. Ouais. Non, tellement que c'était nul, c'est pour ça. Non, bah, la vidéo, elle fait 2 minutes 30, elle fait même pas 4 minutes. Hein. Pour tout vous dire, celle de Kata. Ouais. Enfin, moi, c'est celle de Burning Crusade que j'ai bien aimée avec la présentation des nouvelles races et tout. Et je m'attendais vraiment à ça pour Kata, en fait. Peut-être dans ce sens-là aussi que j'étais déçu. Et si vous n'avez toujours pas vu la vidéo, ce qui est très grave, sachez-le, vous pouvez la voir également sur notre site www.votaku.fr. En plus, c'est sur une page d'accueil, donc vous pourrez la voir, cliquez dessus et c'est directement redirigé sur YouTube. Bon ben c'était notre avis sur la cinématique d'intro de Cataclysme et maintenant on va passer donc au détail du patch 4.0.1. Donc pour commencer on va faire un petit tour de table pour voir les impressions de chacun sur ce patch, donc à chaud. Ensuite on vous parlera donc des modifications sur les classes, sur les glyphes, les stats qui changent, les modifications sur les guildes, sur les gemmes, une nouvelle fonctionnalité qui a été ajoutée et qui s'appelle le reforging, qui est la retouche d'objets. Le nouveau système de points et d'emblèmes, donc là ça va être, il va falloir être très attentif parce que c'est un peu compliqué à expliquer. Un petit passage sur les métiers également. Et sur Cataclysme, donc 2-3 petites informations. Et on va faire également un petit point sur la communauté. 2-3 sites assez intéressants qu'on vous recommande chaudement. Et ben voilà, sans plus attendre, on se lance dans ce 14e épisode. Donc, comme je vous l'ai dit en intro, on va faire un petit tour de table pour commencer, pour voir un peu les impressions de chacun sur ce patch. Qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous avez moins aimé. Alors, honneur aux filles, pour commencer. Amandine, qu'est-ce que tu peux nous en dire de ton point de vue? Globalement, j'ai beaucoup apprécié, mis à part le fait de devoir refaire 45 arbres de talents différents, ce qui est un peu casse-couille, mais bon, forcément, on va pas non plus leur demander de laisser les arbres de talents tels quels, c'est impossible. Alors évidemment, ça prend beaucoup de temps de devoir tout regémer, tout réenchanter, tout repoint de talentifier, tout regliffer, etc. Mais en même temps, on a un peu l'impression de repartir quelque part de zéro. Et ça, j'apprécie beaucoup. Et par contre, un autre point noir, alors ça, c'est purement personnel. Il y a quelque chose qui m'a exaspérée dans ce changement, c'est que en fait, maintenant, quand on fait une quête, les personnages qui dépendent de la quête ont automatiquement leur nom d'affiché. Je sais pas si vous avez remarqué. Avec la petite flèche jaune? Non, même pas. En fait, hier, par exemple, j'étais avec un personnage dans les Interlands et je devais tuer des loups, on va dire loups scintillants, patati patata. Et alors, tous les loups scintillants de la région avaient leur nom au-dessus de leur tête, loups scintillants, et ça à perte de vue. Donc, c'est-à-dire que aussi loin que je voyais dans mon écran, je voyais leur nom en rouge au-dessus de leur tête. Alors que moi, j'ai désactivé par défaut l'affichage des noms de tout dans le monde. Alors ça, je et crois j'ai horreur de ça et ça n'est pas désactivable, en fait. Je crois que c'est... un des nombreux bugs inhérents au 4.01. Parce que bah, des bugs, il appelle dans ce patch, c'est parce possible. Parce que normalement, c'est censé pouvoir être désactivable. C'est-à-dire que j'ai cliqué sur désactiver l'affichage des PNJ de quête et cliquer ou ne pas cliquer dessus ne change strictement rien. Et j'imagine que pour ceux qui doivent prendre des screenshots, parce que quand on fait Alt W, ça ne disparaît pas, ça va être très très handicapant si ça n'est pas corrigé. C'était mon coup de gueule. D'accord. Sinon, tu es contente que tout ait changé? Ah ouais, grosso modo, non, je suis très très contente. En fait, j'étais dégoûtée parce que juste la veille où il y a eu le changement, j'ai pas réfléchi. En fait, je me suis couchée très tard, vraiment juste avant la mise à jour. Et je venais justement d'obtenir un point de talent qui m'avait trop plu. J'ai mis le point dedans. Le lendemain matin, je me suis dit, putain, je suis dégoûtée, la technique n'existe plus. Tant pis. J'étais bien dégoûtée, mais finalement, j'étais là, mon arbre de talent est devenu tout merdique. Et puis finalement, Finalement, non, parce que comme je tape plus fort qu'avant, je vais pas me plaindre. Hein. C'est Voilà. sûr. Donc c'est très très bien. Et pour ta part, Circle, qu'est-ce que t'en penses? Ouf, bah, plein de choses. On a quand même eu subi les plus gros changements chez nous au niveau de notre classe. Il y a pas mal de bugs. Ça c'est clair et net. Mais bon, c'est un peu normal aussi, puisqu'ils ont implémenté ça sur une plateforme qui n'est pas Kata. Ensuite, après, il y a pas mal d'incohérences au niveau des nouveaux talents, des nouvelles capacités de chacun, parce que, enfin, de chaque classe. Parce que c'est vrai qu'on trouve maintenant, par exemple, des paladins heal intuables. Mais quand je dis intuables, c'est qu'on a essayé à 4 sur 1, c'est impossible. On trouve pareil, en fait, tous les healers, par exemple, sont devenus quasiment intuables. On a vu les mages qui faisaient des critiques à 70 000. Mais. 70 000? Ouais. Ouais. Sur un tank. Hein. Oh putain! Donc, pour Attends, dire. Hein. moi, mot de l'ombre mort, par exemple, rien que pour prêtre, 30 000. Oui. Donc le problème étant que on a pu voir donc pas mal d'incohérences et de différences. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y en a qui se sont plaints en disant oui, c'est pas possible qu'il y ait autant de bugs. Je me suis plaint aussi, je trouve ça c'est clair que c'est injouable. Dans un BG, c'est même plus maintenant les attaquants, enfin les DPS qui font le jeu, enfin qui sont devant, c'est les healers. Les mecs qui viennent, on peut pas les repousser, c'est impossible. C'est à qui a le plus de soigneurs qui va gagner, quoi. Mais bon. Ça, cela étant, je trouvais très intéressant, et il faut savoir que ces modifications sont pour Cataclysme. Je veux dire, comme ça, on ne sera pas dépaysé tout au début. Donc, mais ces capacités seront pour un level de, une courbe de grind, donc un leveling, durant lequel on va changer d'équipement, on va avoir de l'équipement adéquat, avec les stats adéquats, durant lequel on va aussi avoir des stats qui vont baisser, puisque comme d'habitude, quand on prend un niveau, nos stats descendent. Donc voilà. C'est fait exprès, savoir que au maximum de sa vie, au maximum au niveau 85, un tissu, prêtre, tout ça, stuff vraiment normal, il aura 75 000 points de vie minimum. Et que un DK, par exemple, pour en avoir 80 000 à 90 000 direct, voire même plus, et puis ben, les tanks, on oublie, hein, ils dépasseront facilement les 100K une fois un petit peu stuffé. Donc c'est dire que oui, on va faire, il y en a qui feront plus mal d'un coup, d'autres plus sur la durée. Il y aura des gros soins, mais pas si gros que ça si on compare au fait que on aura d'énormes vies et qu'on fera plus de dégâts quand même. Donc voilà, mais sinon, très intéressant, toutes les modifications dont on va parler aussi après. Moi j'ai bien aimé personnellement pour chasseur, c'est clair que là, t'as beaucoup qui se plaignaient en fait. En fait, moi je me plaindrais pas que c'est nul, ouais, ça change, c'est dur. Non, non, moi je suis super content. Ça change, la focalisation c'est cool parce qu'on n'est jamais puisqu'on a plus de mana. Un avantage pour pas mal de choses. Sauf que là, ça tombe vraiment vite et on n'a pas l'équipement et les talents suffisants pour régénérer assez vite comme les rogues. Mais plein de nouvelles compétences, plein de nouveaux sorts, plein de nouvelles choses, plein de nouvelles caractéristiques. Et donc, j'attends de voir ensuite. Comment ça va se passer, quoi? D'accord. JP? Alors moi, déjà que ça m'a fait mal là où ça passe de télécharger les 5 plus 1, 6 gigas, enfin Ouais, un demi en giga tirant trop, 6, ouais. ça fait mal, hein, surtout quand t'as la connexion qui tire, c'est la merde. Résultat, j'ai dû attendre le lendemain matin pour jouer, et ensuite pour me rendre compte que le druide de tank laisse tomber jusqu'à Cataclysme. Je crois que je vais le laisser passer pour l'instant parce que une de nos principales armes pour du tanking multi-cible qui s'appelle le balayage a été complètement revue et c'est devenu une daube immonde. Et résultat, on est obligé d'attendre le niveau 81 qui n'existe pas encore pour avoir notre AOE de tanking, quoi. C'est ce qui est, voilà, c'est un peu énervant. Je vais attendre de voir comment on peut arranger ça. Mais ça gueule pas mal sur le forum. En tout cas, moi, côté druide, ça gueule pas mal pour dire que le Feral, on s'est pris un sacré coup dans la tête quand même. On reste toujours des sacs à PV, tu vois, mais c'est plus aussi bon qu'avant, quoi. Je suis assez d'accord avec JP parce que j'ai une petite ferrale et non seulement je me suis fait moi sucrer complètement le balayage parce que c'est dans deux niveaux maintenant que je dois l'apprendre. Donc j'étais super contente. Au niveau du tanking, je vais déchirer comme ça. Mais en plus, effectivement, il y a pas mal de sorts qui ont été assez nerfés. Alors j'espère qu'après, pour la montée de niveau 80 à 85, effectivement, ils vont combler ça. Parce que sinon, pour l'instant, c'est vraiment pas tip-top quoi, par rapport à l'up du war, etc. Ah bah là Par contre, niveau maintenant. DPS, les druides férales en panthère, ils foncent quand même sacrément mal, je trouve. Ouais, Ouais, ça a mais été OP, bizarrement. ce dont on parlait en fait, le problème avec ces. On en parlera peut-être plus tard, je sais pas, je vais le dire maintenant, comme ça au moins c'est fait. C'est qu'ils ont parlé du fait qu'ils n'avaient pas encore mis tout ce qui était changement de PV. C'est normal qu'on fasse des critiques à 8000 dégâts, enfin, je sais plus combien tu disais, 70K de critiques ou je sais plus trop quoi. Problème, c'est que on n'a pas encore, par exemple, la bouffe de Kata qui nous ramène, je sais pas combien de vie, la mana. On n'a pas encore toutes ces stats améliorées. On a encore les stats de Wrath of the Lich King, alors qu'on a déjà les dégâts qu'on devrait faire à Cataclysme. Alors, c'est un peu le déséquilibre total et. Oui, bon, moi je dis, il y a ça, oui, mais bon, il y a quand même une différence. Ouais, Moi, il y a une différence, je veux dire, un mage qui fait fallait. 70K avec ce stuff-là maintenant, et moi qui n'arrive pas à dépasser 8K, et encore je suis gentil, même avec le coup mortel, enfin le tir mortel, je veux dire, il y a quand même des incohérences. Il y en a, Ouais, mais mais ça va changer. Faut oui. que les gens, faut que les gens se disent bien que on est toujours un pré-patch. Un pré-patch, c'est un peu une Ouais. bêta publique ouverte et tout, quoi. Donc Voilà, on est en période tu d'équilibrage, comme m'as ils noté disent. qu'il y a eu un hotfix qui est passé justement là-dessus sur les mages, il y a eu sur les prêtres, Shadow, je crois, la discipline aussi, et d'autres classes où ça a été un peu baissé justement leur Alors, il y dégâts. a eu déjà certains trucs qui sont déjà passés, en fait. Je crois un abjuroir, certaines choses sur peut-être mage, prêtre, en tout cas. Mais pas tout. Il y a encore des choses qui Non, non, doivent mais. arriver parce que les healers, par exemple, je crois que le pire de les deux pires de tous, c'est chaman, heal et paladin heal. Ils sont vraiment, la mana ne descend pas du tout, en fait. Vous pouvez faire ce que vous voulez, mais spammer le gros soin tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça ne descend pas. Puis bon, bah, bien entendu, intuables ne prennent pas de dégâts. Ouais, je Donc suis c'est. totalement d'accord à ce niveau-là, parce que sur ma chamane, effectivement, ils m'ont mis un sort de soin qui n'existait pas avant, qui prend la place d'un autre sort qui me soignait, enfin, je veux dire, correctement. Et là, même quand je suis sur le point de crever, je fais vraiment plus aucun effort. Il suffit que j'ai le temps de lancer ce sort et je suis full. Oui, limite, le healer pourrait tanker, quoi, quasiment. Et je suis même pas spé resto, je suis spé amélio. C'est-à-dire que j'ai vraiment plus à me soucier de rien. La bouffe, pour moi, c'est fini, hein. Allez, hop, salut. Ouais, non, non, c'est clair. Donc, ben voilà, pour dire, il y a quand même des erreurs. Enfin, c'est pas des Ouais, erreurs, il y a des bugs, c'est comme tous mais les ça patchs, hein. va. Voilà, donc ils vont les améliorer. Mais certains trucs qu'on pourrait croire aberrants, certains sorts, certaines techniques ou quoi, ce sera en vue de cataclysme. Voilà. Je pense que je vais continuer le tour de table à mon tour. Moi, j'ai bien aimé aussi le patch, j'aime bien le changement, tout ça, c'est assez agréable. J'ai un gros coup de cœur, moi, c'est pour le journal de compétences, qui pour le coup, je le trouve extrêmement simple et Oh compréhensible. purée, il est beaucoup plus clair qu'avant, Ah ouais, je vois. au moins on sait que pourquoi on va en fait chez l'instructeur et qu'est-ce qu'on va récupérer. Puis en même temps, le côté qui est bien, c'est quand on prend une classe, on peut voir dès le niveau 1 tout ce que la classe pourra faire à haut niveau en fait. Donc voir toutes ses compétences d'un coup. Voilà, les nouveaux arbres de talent aussi, moi perso j'aime beaucoup, je les trouve assez clairs et chaque talent je trouve qu'ils sont vraiment intéressants. Ils ont fait un Ce bon que je trouve effort. très bien pensé, c'est la page juste avant qu'on arrive aux arbres de talent même et Ouais. qui nous explique grosso modo à quoi va servir la spécialisation. Ouais, tout à fait. Après, bon, dans les mois, ce sont les nombreux bugs et Dieu sait qu'il y en a dans ce patch. Et celui qui me gêne le plus, moi, c'est les bugs de noms, justement, dont tu parlais, Amandine. Mais en fait, moi, c'est le bug pour cibler les noms, c'est-à-dire on appuie sur la touche V. Et le nom sort un peu plus gros, en fait, ça permet de cibler plus facilement les mobs quand on a 10 sur toi, par exemple. Et là, en fait, le problème, c'est que les barres de vie, carrément, elles disparaissent. Donc, pour cibler, en fait, faut cibler le monstre, faut cliquer carrément sur lui et Ah plus sur d'accord, son nom. ouais, t'es obligé de cliquer dans l'écran, bah, c'est bien, c'est bien, on Voilà. régresse pas. Voilà, ça, c'est donc, c'est un PVP, ça, c'est chaud, en fait, parce qu'en fait, il faut pas mal de réactivité, et quand tu dois attaquer, bah, c'est chiant quand la cible est proche de toi. Mais c'est ce que je fais à chaque fois, moi. Ouais, je sais, mais bon, heureusement que je suis en mode soigneur en PVP, donc Oui, ça. heureusement que t'es un prêt de cheater, quoi. Voilà. Voilà. Sinon, alors j'ai fait du PVP avec ma voleuse qui est actuellement niveau 46-47. Alors en PVP bas niveau, c'est une boucherie, dans le sens où c'est les voleurs, les rois des BG. En gros, on va dire, je suis optimisé, j'ai 2500 points de vie, on va dire, j'ai pas mal d'endurance. Et avec donc les voleurs spécialisés en finesse, une embuscade en critique, ça fait entre 2003 et 2005 points de vie. Donc en gros, si tu fais embuscade, tu tues OS, tu recamoufles et tu recommences à tout le long du BG. Non, mais il n'y a pas que ça en plus. Il y a C'est maintenant que que de ça. tu peux convertir tes points de combo en hot. C'est pas un truc de malade, ça? Ouais, en plus l'autre il est pas mal puissant aussi. Conversion, c'est un truc de fou, ce truc-là. Voilà, mais je trouve qu'en PvP bas niveau, par contre, c'est vraiment pas agréable à jouer, c'est que du one shot. Moi je jouais un voleur, je me faisais chier, franchement. Au début c'était rigolo. se disent c'est pas possible et tout, puis au bout de 10 minutes, on a un peu plein le cul de faire. Ouais, au début tu te sens imbattable et puis après finalement c'est toujours la même chose. Voilà, même en PvE, genre donc au niveau 47, je me faisais un mob niveau 52-53 sans problème. Ah, Donc. j'ai la même chose avec ma chamane, mais je crois que ça doit être pareil pour toutes les classes, je pense, parce que là on se soucie plus de rien. Donc voilà, faire enfin, en PvP bas Ah niveau. bon? De quoi? Non, mais je pense si c'est en bas niveau, vous voulez parler uniquement? Bien, Ouais, en ou bas autre niveau, chose? enfin en mid Laisse-moi. level. Parce que moi, j'envoie deux flèches principales, je suis out of foca, hein. Par exemple. Hein. Ça, c'est horrible pour le cycle DPS, je suis en spé bête. Le seul moment où je peux vraiment burst, avoir l'impression que je burst comme avant, c'est quand je claque le courroux bestial. Alors ça aussi, une aberration, mais alors totale, c'est que maintenant, le courroux bestial, sachez-le, quand vous voyez un chasseur sous courroux, vous pouvez le stun, vous pouvez le fear, vous pouvez le renverser, vous pouvez tout faire dessus. Il est plus, hein, il est sensible à tout, hein, ça change rien. C'est juste qu'il fait plus mal. Et en fait, la seule chose que permet le courroux bestial, c'est de régénérer les points de foca plus rapidement, et donc de faire un truc super très très agréable comme avant, c'est de spammer le tir des arcanes, et c'est tout si vous voulez faire du dégât. Vous activez le tir rapide, les buffs, bijoux, ce que vous voulez, le courroux bestial, et vous spammez tir des arcanes. Je veux dire, c'est pas beau ça? J'espère sincèrement que la spé bête va pas être nerfée à cause du fait qu'elle est un petit peu uber par rapport aux autres spé. Parce que D'accord? sinon, il ne te Parce restera que. plus rien. Bah parce que, je veux dire, le problème, c'est que déjà, au début de Wrath of the Lich King, la spé bête était cheatée, même justement en faisant du spam arcane shot ou du tir assuré. Là, ça va être à peu près la même chose de nouveau. Sauf que c'est vrai qu'elle a beaucoup plus au niveau PVP de contrôle. On peut plus vite se sortir de situations un peu désastreuses. Mais j'ai peur que ça fasse qu'il nerf cette spé qui pourrait être super intéressante au lieu de l'améliorer. Et par contre, alors, spé précis, ça vaut plus rien du tout. Spé survie, c'est très intéressant, mais à notre niveau, on n'a pas assez de régène de focalisation pour pouvoir l'utiliser correctement. J'ai testé, on fait pas assez de DPS. Et pour l'instant, au niveau DPS de raid, je ne sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression qu'on est un peu en dessous au niveau du DPS des chasseurs. Voilà, et alors aussi un gros truc, un coup de gueule par contre. Alors là, c'est vraiment un coup de gueule, c'est les pets, c'est quand même hallucinant. Pendant tout Wrath of the Lich King, sur les arènes, il y a eu des bugs de pets. Tout, ils n'ont jamais réglé ce problème. L'arène des valeureux, à chaque fois, le pet, il restait bloqué. Effectivement, D'accord? quand on a fait le pass arène, ça nous a fait Ouais. bien rire, mais depuis Et le temps Circle, j'imagine que ça ne le fait plus rire du tout. mais ça sert à rien, on se dit que quand on fait cette arène, on va perdre une seconde pour sortir de le truc pour invoquer son pet. Parce que sinon, ou alors il faut appuyer sur attaquer, revenir et attaquer. Ce qui fait perdre un temps énorme, et voilà. Parce que quand on engage sur cette arène, on engage vraiment en face, quoi. Et donc, déjà, il y avait ce problème-là. Et là, y a les pets, on est censé, par exemple, bah là, enfin, par exemple, CP bet, s'appuyer sur notre pet. Le pet part n'importe où. Le pet se fait limite taunt en fait. En fait, c'est même pas. Il se fait taunt. Il va sur la cible la plus importante de nos attaquants. Alors, sans qu'on lui en donne l'ordre, il focalise pas la même cible que nous. Ce qui est chiant parce qu'on doit s'appuyer sur des sorts du pet qui fait quasiment plus de dégâts que nous. En fait, puisque moi, mon meilleur critique est genre personnellement de 6000 et quelques. Mon pet, il arrive à 8000 des fois. Pour voir, hein, pour Putain. dire. Hein. Bon, c'est une fois de temps en temps, mais on en a besoin. Et donc, le problème, c'est par exemple la compétence, enfin le sort Ordre de tuer, qu'on active, et normalement, ça fait faire un critique au pet, enfin, même pas forcément un critique, mais un coup qui fait mal. On ne peut que l'activer quand le pet est au cac, qu'il est en train de taper sur la personne. Donc, déjà, si le pet se barre aux fraises, c'est impossible. Pareil pour bah, les dégâts, il ne le fait pas. Il ne peut pas donc stun la cible, etc. C'est tous des trucs où on est obligé de s'appuyer sur notre pet et le problème, il ne fait rien, il bug. Des fois, au lieu de faire une ligne droite pour aller sur notre ennemi qui est à 10 mètres devant, il va faire un tour monstrueux, on ne sait pas pourquoi. Des fois, il se barre et il reste. Des fois, il reste en fait à un endroit, il ne bouge plus. Des fois, Ouais, en c'est BG, il pas finit que une pour le cible. chasseur. En Effectivement, fait. j'ai mon copain il joue démoniste, il a le même problème. Alors son mob est allé se, mais il a fait le tour d'un arbre, il allait se coincer dans une racine, il a assez. Hein. J'étais Mais sidérée. le pet d'un démo est moins. Peut-être pas en spé des monos, mais sinon, je veux dire, il est quand même moins important au niveau de DPS parce qu'un démo, à l'heure actuelle, fournit Non, mais suffisamment de le dégâts. problème c'est que c'était son Mais. bleu, en fait. Donc au niveau du tanking, ça nous fout vachement dans la merde, quoi. Oui, au niveau du tanking, j'avoue. Mais je veux dire, là, par exemple, moi j'étais en BG, j'ai attaqué avec mon pet. Maintenant, je suis obligé de faire une touche pet attaque. Donc, je vous conseille au chasseur de faire un raccourci de touche tout de suite pour l'attaque du pet. Et parce que moi j'étais en BG, j'ai attaqué un mec devant, on l'a tué. Et mon pète, tout d'un coup, je regarde, je fais, il est où? Et il s'est barré sur le mec qui m'avait attaqué précédemment, en fait, qui n'était pas mort. Mais il s'est barré et il est allé jusqu'à disparaître. Il y a aussi le bug de quand on est au joue, on invoque notre pète, on prend une autre monture volante, on se pose pour attaquer, le pète ne pop pas. Bon, ok, génial. On se retrouve comme un abruti parce qu'on ne peut Bah pas ouais, passer en c'est coucou. exactement les mêmes bugs qu'on a eu Voilà. en fait. Le pet qui va jusqu'à disparaître à l'horizon, qui se casse, qui n'apparaît pas, tout. Voilà. Et le problème, bah, vu qu'en spé bête, il y a à peu près 4 ou 5 sorts qui sont utilisables uniquement quand il y a le pet, ou qui sont viables uniquement quand le pet est actif sur la cible, bah, on se retrouve comme des abrutis à spammer deux touches. C'est-à-dire essayer de faire un tir assuré, de poser des pièges à la rigueur, et de faire un arcane shot. Donc je pense que ça, c'est franchement, ils ont intérêt à régler le truc. Sinon, je pense que là, tous les chasseurs qui se sont déjà contenus pendant Wrath of the Lich King, là, je pense qu'ils vont tous exploser, quoi. Parce que là, ça devient. Ça, c'est un truc qui vient n'importe quoi au niveau des pets. Franchement, on est déjà à la classe. Au moins, bon, à contrario, le pet est cheaté quand il tape. Ça, j'avoue. Il tape très fort. Il ne meurt quasiment jamais. Il a autant de PV que nous. Ça, ok, c'est bien. C'est enfin un vrai pet chasseur. C'est un peu un vrai pet, quoi. Mais sinon, il faut qu'il change ça. Parce que sinon, pour le leveling, pour plein de trucs, ça va apporter que des ennuis. Voilà, c'était mon coup de gueule. D'accord. Non mais oui, c'est sûr, mais en même temps, ça me fait penser, il y a énormément d'autres bugs comme ça, c'est gênant, et bon, à mon avis, ça va arriver pas avant le patch 4.03, qui sera Ça m'a fait penser à autre cataclysme. chose qui a changé dans les interfaces et qui n'est pas très agréable, j'ai trouvé, c'est la touche des, enfin la touche, la feuille de contact. En fait, moi, j'avais l'habitude de faire O pour avoir mon social, et alors là, j'ai tous mes amis, ensuite, je peux faire une recherche, et ensuite, j'ai les membres de la guilde. Maintenant, Oui. la guilde s'est complètement séparée de la feuille d'amis, et je déteste ça me perturbe complètement. Mais même c'est un peu plus vicieux dans le sens où la fenêtre sociale, elle n'apparaît plus dans les petits boutons en raccourci. Il faut que tu attribues Tout une à touche de fait. raccourci, sinon tu ne la vois plus du tout. Voilà, et du coup, quand tu veux te connecter, tu veux voir si tu as des amis ou tu as des membres de ta guilde, tu es obligé d'ouvrir une fenêtre pour voir tes amis, tu fermes la fenêtre, tu vas dans guilde et tu regardes qui est connecté. Oui, puis Je trouve ça très mal fait. dans l'onglet social, tu retrouves Raid aussi. Tu te dis, mais c'est quoi le rapport d'un Ouais, côté? complètement, c'est devenu un bordel le truc. Ouais, là c'est vrai que c'est un peu bizarre, effectivement, sur ce point-là. Il y a aussi un truc que je trouve. Et la nouvelle interface de personnage. Tu avais avec les stats sur le côté, en fait. Toutes les stats du personnage qu'on peut soit ouvrir, soit fermer dans un seul onglet. Si vous avez votre fiche de personnage. C'est à chier. Ah, c'est moche, hein, on est d'accord. Ouais. C'est vrai, ça, je trouve, ça va pas du tout avec le design global de World of Warcraft. Perso, j'ai bien aimé. Enfin, je trouvais ça. Enfin, t'avais tout d'un coup, en fait. L'idée est bonne, mais c'est très laid et très mal mis en page, je trouve. Oui, c'est vrai que la mise en page est particulière. Au moins, il faudrait une fenêtre séparée à la rigueur. Parce que là, on est obligé de faire glisser. Ça glisse plus ou moins vite, en fait. C'est chiant. Il y a plein de chiffres les uns après les autres. Alors qu'avant, bah, on pouvait choisir quoi afficher. C'était vachement plus pratique pour quand on faisait les tests de stuff, les tests d'équipement ou quoi. Quand on crée nos sets d'équipement. Donc ça, déjà, je trouve ça moyen, c'est dommage. Et un autre truc qui m'a un petit peu perturbé, c'est le joueur contre joueur. Alors ça a été simplifié au maximum, les stats et tout, sauf que où sont passés nos kills, nos VH à vie, nos victoires honorables à vie? Ah, Moi qui moi étais aussi, elles ont fier, disparu. moi qui regardais aussi souvent quand un gars arrivait vers son Kevin vers moi, puis que je regardais, je voyais qu'il avait 5 000 VH, je refais, et que je voyais qu'il avait 5 000 VH, ben. Je lui disais, écoute, retourne un peu jouer avant de me faire chier. Hein. Et là, maintenant, bah, tu peux pas savoir au minimum ça. Je veux dire, alors qu'ils font Real ID, ils font la fiche de perso accessible, l'armurerie par tout le monde. Puis ça, on peut pas. Merde. Je veux dire, Non, mais ça a mettez-moi complètement ça. disparu, non? Moi, je les ai plus du tout, mes Non, en fait, VH. ben, ce matin, par exemple, c'est là qu'on l'a vu, j'ai obtenu le haut fait 10 000 victoires honorables. Mais derrière, tu vois pas forcément où c'est que t'en es. Mais ils J'ai doivent être pas. quelque part, mais je ne sais pas où. J'ai cherché aussi, mais j'ai pas trouvé. Alors peut-être dans les hauts faits justement, mais bon, c'est pas très précis Parce que quoi, si tu bizarrement, cherches. j'ai 2 points d'honneur avec mon personnage tout bas niveau, mais j'ai jamais tué personne. C'est vachement bien fait. Bon, alors je pense que si on regarde dans les joueurs contre joueurs, je sais pas peut-être où il doit y en avoir au niveau du nombre de victoires honorables. Ah ben non, il n'y a même pas, il n'y a pas plus de 100 000 en fait. Enfin, tant que vous n'êtes pas à 100 000, vous cliquez sur le haut fait, en fait. Vous checkez le haut fait 100 000 victoires honorables à vie, vous Ouais. voyez combien sur 100 000. Donc au moins, vous savez à combien vous en êtes. Mais c'est chiant d'aller jusque-là pour savoir un truc si simple. Et à contrario, moi qui suis à plus de 100 000, je suis dans la merde parce que j'aimerais bien savoir quand c'est que j'arriverai à plus, quoi. C'est spécial. Tant qu'il n'y a pas de haut fait supérieur, tu sauras pas quoi. Bah non. Bon, à partir de 100 000, vous avez de la horde, hein, le titre de la Le horde, mais titre. bon. Ok, est-ce que des petites choses, encore des petits coups de gueule sur ce patch? Moi aussi j'en ai quelques-uns, mais bon, après c'est plus minime. Bah Bon. vas-y, des fais-toi bugs de plaisir. son, je crois aussi. Ah, j'ai des bugs de fenêtre de discussion aussi. Quand j'ai un PNJ qui me parle, par exemple, quand on va au Piton du Tonnerre et qu'on passe près des maîtres des druides, ça déclenche toujours une discussion entre deux PNJ à propos de ce qui se passe en Outre-Terre. Et ben en fait, quand ils parlent et que je me suis bien cassée et que je suis en plein milieu des Pitons du Tonnerre, j'ai toujours en bas, coincée en bas à gauche de mon écran, leur fenêtre de discussion. J'ai leur bulle de dialogue. Dès que je me retourne, ça disparaît. Quand je revais dans le sens inverse par rapport à eux, ça réapparaît. J'ai toujours leurs dialogues qui s'apparaissent, qui s'affichent, n'importe quoi. Et dès qu'il y a un PNJ qui me parle, je te jure, les bulles de dialogue me poursuivent, c'est n'importe quoi. D'accord, donc elle m'a dit qu'elle se fait poursuivre par les bulles de dialogue. Ok, d'accord. Alors, par contre, parmi tous les bugs également, le meilleur conseil qu'on peut vous donner, c'est désactiver tous vos add-ons parce qu'il y a eu pas mal de changements aussi au niveau des fichiers LUA. Donc, vous allez remarquer deux choses. La première, c'est que vous allez avoir un peu moins de bugs, un tout petit peu, genre tout ce qui est ralentissement et tout. Et la deuxième, c'est que vous allez voir le jeu qui est incroyablement fluide sans add-on. Perso, ça m'a vraiment Ah, ça, c'est marqué. la découverte de Ludo. Ah ouais, non, mais c'est hallucinant en fait. C'est vraiment avec les add-ons que tu te rends compte que ça te bouffe vraiment Pareil. l'FPS. C'est pareil. J'ai été halluciné. J'ai fait merde. J'ai l'impression d'avoir un PC tout neuf après avoir enlevé tous les add-ons. Ouais, voilà, même on peut pousser les graphismes à fond, et là où le PC avant, on avait l'impression qu'il avait du mal, là maintenant je passe sans problème. Mais j'ai l'impression ils ont allégé le code aussi, parce que par exemple, voilà, avant les ombres, je pouvais pas les mettre, sinon mon IPS il tombait à 15. Là, je peux mettre les ombres pratiquement au max, et je suis toujours aux alentours de 30, sans problème. Même en Orphandre. Donc j'ai l'impression que vous avez fait quelques améliorations à ce niveau-là. Bon, bien sûr, après, tout ce qui est haut, c'est magnifique. Perso, j'adore. Ah Enfin, bon? je Moi trouve j'ai un ça. peu Moi, j'ai. l'impression d'évoluer dans de la pâte à modeler. Parce que Ouais, non, pareil. J'ai l'impression d'évoluer dans l'énergie dans la porte des étoiles, tu vois. Je sais pas. Ah, ouais, c'est vrai. Ouais, ça Ça fait ressemble visqueux à. un peu. Ça fait un peu visqueux, t'as l'impression de. C'est Dans vrai. du petit Ouais, bouillon plus tard, là. ou alors dans le miroir, comme dans le film de John Carpenter, là. Non, c'est pas Ouais, ça. ça fait un espèce d'effet un peu huileux, quoi. Ouais. Mais. Bah en fait, c'est vraiment différent en fait dans Cataclysme. Dans Cataclysme, l'eau sera pas comme ça. Non, elle En est pas fait, je comme crois que ça. ça C'est ça qui dépend est l'eau en bizarre. fait, parce que je pense qu'ils ont juste remplacé simplement par la texture du haut en fait, et que ça donne des effets un peu ouais, on a l'impression qu'on est sûr de ouais du non-Newton mètre, du non-Newton liquide là, je sais pas quoi, qu'on Oui, ne pourrait pas tout à fait. s'enfoncer quoi. Mais ça va changer. Hein, ça, n'y prenez pas peur si vous voulez. Non, Non, l'eau par sera pas contre. comme ça. Ce sera Ah, pas du par contre, pétrole. c'est Ouais. sacrément, sacrément classe quand tu regardes en dessous, enfin quand t'es sous l'eau quand même. Hein. T'as pas à dire, ils sont bien gavés de ce côté-là. Hein. Fais des petites bulles. Ouais. Bon voilà, donc après cette longue intro donc sur nos différents avis, on va parler un peu plus des changements qui ont été opérés sur le patch. Donc certaines choses on va peut-être pas l'évoquer parce qu'il y a eu tellement de modifications, on a juste choisi en fait de faire le principal, de parler des principales modifications. Et la première, c'est les modifications qui ont été opérées sur les classes. Alors là, encore une fois, on va pas détailler tous les sorts, parce que là, sinon, c'est le otaku, il va durer 7 heures, et on va perdre Ah, tout le sinon, monde. ça va être un col de taku parce qu'il va être super froid quand on va le livrer. Voilà. Donc là, en fait, ça va être les grosses modifs sur les classes. Donc, parmi ces grosses modifs, donc on a vu certaines classes qui ont vu un peu leur manière de jouer changer. Donc, c'est le cas, par exemple, si on prend le chevalier de la mort. C'est une petite modification au niveau des runes en fait. Donc c'est-à-dire qu'avant, quand vous utilisez vos compétences, vos runes se rechargeaient immédiatement et n'importe quelle rune se rechargeait tout de suite. Maintenant, quand vous lancez une compétence par exemple qui utilisera, on sait pas, deux runes de givre par exemple, au lieu que les deux runes se rechargent en même temps, ce sera une après l'autre. Donc une qui est rechargée, une fois qu'elle est rechargée, ça passe à la deuxième. En fait, si j'ai bien regardé toutes les modifications qu'il y a eu, c'était surtout en fait pour éviter les trop gros bursts, que ce soit au niveau chasseur, chevet de C'est la ça, mort, pour éviter les spams de touches en fait. voilà. Bon, même si Circle nous a montré tout à l'heure qu'avec le chasseur, on pouvait toujours spammer la touche via notre compétence, tir des arcanes. Mais c'est surtout, en fait, voilà, pour éviter les bursts et pour éviter de trop mourir trop vite en PvP, en fait, aussi, je pense. Alors ensuite, si vous êtes un chevet de la mort et que vous êtes tank, là, il faudra faire attention parce qu'en fait, votre spécialisation tank se trouve maintenant dans la branche sang, ce n'est plus en givre. Apparemment, alors moi, je joue pas du tout chevet de la mort, hein, je vous prends les informations telles qu'elles arrivent. Ils ont regroupé tous les sorts les plus utiles en tank dans la branche sang. Puis le deuxième branche, ce sera plus pour du DPS. Voilà. Ensuite, si le druide équilibre, un petit système que j'ai trouvé assez sympa, ça s'appelle l'éclipse. Ce sera une nouvelle barre de ressources que vous aurez. Et quand vous utiliserez par exemple des sorts de type arcane, en fait la barre ira plutôt vers le soleil, jusqu'à atteindre ce qu'ils appellent l'éclipse solaire. Et en fait, quand vous serez en éclipse solaire, tous vos dégâts de type nature seront augmentés. Et à contrario, quand vous utiliserez beaucoup de sorts de type nature, vous tendrez plutôt vers la lune jusqu'à atteindre l'éclipse lunaire. Et là, ça augmentera tous vos dégâts de type arcane. Donc d'après eux, c'est plus pour apporter, comment dire, un dynamisme en fait dans la façon de jouer des druides et équilibre, pour avoir un DPS assez constant et ne pas être trop pénalisé quand vous passez d'un type de nature à un type nature. Puis Bon, en varier un fait, petit ils peu les avaient. gameplays aussi. Bah surtout, ils avaient plus stock de coussinets pour le front, pour le face roll, en fait. C'est surtout pour ça. Parce que OMG, je balance Météor, OMG, je balance Météor. Colère, colère, éclat lunaire, éclat lunaire, Voilà, éclat c'est lunaire, ça. éclat lunaire, éclat lunaire. Feu stellaire, et voilà, t'es mort. Ah bah non, feu C'est ça, stellaire est pas c'est ça, passé, il c'est était de pour la que ce soit morale. un peu plus varié, parce que l'intérêt en fait c'est de passer d'une éclipse à une autre le plus rapidement possible. Donc c'est un peu plus dynamique et puis un peu moins spam, spam, spam, comme on disait Et je tout à vous dis l'heure. très sincèrement, les druides, ne venez pas gueuler sur ce que je dis là, parce que j'ai eu la confirmation par un gars qui jouait druide. Hein. Le mec Ah, m'a je dit suis que pas c'est trois. Le d'accord. C'est vrai que le mec, il météore, c'est m'avait dit horrible. c'est trois touches, quoi. Dans un duel, c'est trois touches, et à la rigueur, il voit ce qu'il veut faire, mais c'est trois touches, il peut gagner comme ça. Alors ensuite, si vous êtes druide resto, vous n'avez plus de forme d'arbre. Donc justement, c'était l'occasion d'Eric de nous faire un petit dessin sur le forum, justement, tout, tout mignon. En fait, donc vous aurez une forme d'arbre, effectivement, quand vous serez druide resto, mais ce sera une forme temporaire. Alors le nouveau skin, je crois qu'il n'a pas été ajouté tout de suite, il sera ajouté au prochain patch. Il a été Je pense. présenté en tout cas. Ouais, voilà. En fait, ça sera une forme d'arbre qui augmentera, je crois, vos soins ou quelque chose comme ça pendant un certain temps. Mais sinon, vous verrez votre personnage avec l'armure. Donc voilà, donc adieu l'arbre pour les druides resto. Mais non, Ensuite. pas adieu. La bonne nouvelle, c'est qu'il y aura justement un glyphe qui sera implanté pour les nostalgiques comme moi de cette magnifique forme d'arbre. Ouais. Oui. Un glyphe mineur, bien sûr, je précise, parce que les glyphes mineurs sont toujours les glyphes qui ne servent à rien. Ensuite, on continue chez les chasseurs. Donc, comme le disait Circle, au revoir à la mana et on dit bonjour à la focalisation. Ça fonctionne sur le même principe que le voleur, en fait. Vous avez des compétences qui coûtent tant de focalisation. Et voilà, au fur et à mesure, la barre se vide et tout doucement, elle se re-remplit. À noter que la hâte, plus vous avez de hâte, plus la barre se remplit vite. Ouais, en fait, c'est oui, mais bon, c'est pas assez vite encore. Oui, non, c'est On sûr. aura de quoi, en fait, l'aspect du renard, en fait, qui va venir au niveau, je crois, 83, si je me trompe pas, dans ces eaux-là. C'est un aspect qui nous permettra justement de régénérer plus vite et d'avoir pas mal de petits trucs supplémentaires qui sont bien. Ce sera, je pense, justement pour les combats longs, parce que ce sera un peu comme un aspect de la vipère, mais amélioré, qu'on avait avant, parce que là. La régène, OMG, j'ai fait Tauravon là, vite fait, juste avant de faire le podcast. C'était moisi. Au début, t'es là, ouah, tu vas plein de 8000, bon, parce que t'es full buff. Mais du moment déjà où t'as plus de focalisation, parce que ton courroux de bestial est terminé, tu utilises une fois la compétence, attendez, comment ça s'appelle? Ferveur, qui régène 50% des 50 points de focalisation. Tu réutilises ces points de focalisation et après, bonjour, t'es rassuré, ça va? Oui, j'espère que tu m'aimes bien, t'es rassuré, parce qu'on va passer un long moment ensemble. C'est à peu près ça. Hein. C'est, En fait, tu fais c'est que ça. pas plus t'as de hâte, plus ça se remplit vite, c'est plus t'as de hâte et moins ça se remplit lentement. Voilà, parce que plus t'as de hâte, plus tu vas surtout pouvoir faire le tir assuré rapidement, donc régénérer de la hâte surtout. Alors ensuite, les chasseurs ont une nouvelle compétence qui s'appelle Appel du Familier. Enfin bon, c'est pas une nouvelle, c'est la compétence existante mais qui a été modifiée et qui leur permet de choisir 5 familiers différents à n'importe quel moment. C'est bien ça, Circle, tu confirmes? Alors, 4 familiers dans un premier temps, et on peut acheter un cinquième onglet de familier en fait portatif. Et ouais. Alors bon, c'est pas mal. Sauf que si votre pet est mort, En fait, par exemple, en BG, moi, quand mon pet crève et que j'aimerais bien le pouvoir en le changer, il faut, si votre ancien pet était déjà mort, il faut bien avoir les pets vivants parce que sinon ils sont tous morts, vous êtes comme un abruti. Et surtout aussi, s'il est mort mais qu'il apparaît encore dans votre barre de personnage, c'est-à-dire en dessous de vous, il va falloir d'abord le raise pour le renvoyer pour Pour ensuite en changer de invoquer pet. un autre. Mais D'accord, parce donc que, quand on est attends. un petit peu dans le caca, quand on est un petit peu dans le caca, c'est juste impossible. Je Parce que, vois. explique-moi, attends, en fait, si j'ai bien compris, si ton pet est mort et que tu veux en invoquer un autre, tu en invoques un autre mort. Non, non, non, non, non, pas du tout. Le Non, non, truc c'est glauque. éclate. Mais ça m'est arrivé en fait d'avoir ce pet, d'avoir des pets morts déjà, que j'avais, et à ce moment-là, j'avais changé de pet. Mais Ah, d'accord. parce qu'on peut en changer quand on est hors combat ou quand on est, par exemple, qu'on change de zone ou qu'on change de truc. Mais quand on est, par exemple, en BG, qu'on est dans une partie où nous, on ne meurt pas, mais notre pet meurt, d'accord? Il faut. Si on veut changer de pet, par exemple pour pouvoir retourner au combat, parce que quand on est spé bête sans pet, on fait pas grand-chose, on doit raise ce pet. Le raise est ultra long. Il n'y a plus pour l'instant la compétence qui permet d'accélérer le raise du pet, à moins peut-être dans une glyphe, je ne sais pas. Donc c'est super long, il faut raise ce pet. Alors sur un champ de bataille, vous avez un abruti qui caste pendant 2 minutes un machin, il faut raise le pet, il faut le renvoyer, ce qui prend environ 5 secondes de plus. Et ensuite, vous pouvez changer de pet. Et peut-être que vous n'avez pas de bol, celui que vous vouliez réinvoquer, il était mort en fait avant. Voilà. Donc c'est bien, mais en fait, il faudrait faire un truc, genre, je sais pas moi, soigner tous les pets, ou que quand les pets sont machin, ils seraient, je sais pas, mais qu'on puisse renvoyer un pet mort en combat, s'il vous plaît. Limite, tu te suicides, ça va plus vite, quoi. Au moins, tu reviens à l'ange, le pet, il est en Voilà, vie. c'est ça, mais c'est ce que je faisais. Je disais au gars qui me huilait, je dis, me huile pas, ça sert à rien. Je fais rien, donc je fous qu'on l'entache, je posais les pièges, je faisais waza et puis je crevais. D'accord. Arrête de te foutre de ma Non, gueule. mais ça m'a dit. Elle me dit, j'ai coupé le micro, je suis en train de chialer de rire en imaginant le chasseur qui invoque un cadavre de clébard. Le pareil, ils sont en train d'imaginer le chasseur qui jette la dépouille de son pet mort à la tête de J'avais pas pigé au départ, je croyais que t'invoquais un truc mort. Mais n'importe quoi. Après, tu le jettes. Ah ouais, non, j'ai bien le truc dans la tête. Je t'invoque, mon pet. Et... Oh, c'est quoi la même chose? La décrevure des pieds. C'est con. Ah, Putain. je disais, ils sont salauds, c'est bizarre, putain. Oh putain. Bon, on va continuer. Et couplé à ça, donc vous avez le maître des écuries qui peut accueillir jusqu'à 20 familiers. Donc là, c'est carrément 30 millions d'amis maintenant. Ah, c'est dommage parce qu'on pensait que ce serait illimité. Bon, en tout cas, c'est toujours bien 20. Enfin, par rapport à avant, où on en avait quoi? 4, 5? On avait 4, je crois. Alors ensuite, les munitions ont été retirées du jeu. Donc, plus besoin de faire votre stock de munitions avant de partir en raid. Ça, c'est plutôt agréable, je pense. Par contre, je me pose une question. C'est les ingénieurs, comment ils ont pris cette nouvelle? Parce qu'en fait, certains faisaient leur business justement sur la vente de flèches et de balles. Ouais, bon, ils se faisaient pas que là-dessus parce que la vente de flèches et de balles, à l'heure actuelle, les stacks de 1000 flèches Glasslam, par exemple, c'était quoi? 5-6 PO, hein. À part des Ah, abrutis qui mettaient une flèche à 5 PO et puis que les gars abrutis comme moi le voyaient pas et allaient acheter la flèche. Oh putain, je comprends pas, il y a un bug. Je viens de dépenser 50 PO, j'ai 5 flèches là. Et puis en fait, ben non. Mais non, mais à mon avis, pour la suite, ils auront plein d'autres trucs à faire. À mon avis, parce que c'est vrai que ça leur sape un petit coup de business, mais c'est super agréable. Mon carquois, il s'est transformé en sac. Déjà que ça nous fait genre 20, 22 places de plus, quoi. ouais. C'est super agréable parce que nous, c'était chiant. Parce que nous, on avait la bouffe pour le pet, on avait et ceci, de là, ça, on avait besoin d'eau avant, on a besoin de tout. Maintenant, on est vachement plus. On a de meilleures accuracy, tu vois. Alors ensuite on continue sur les paladins, donc eux ils héritent de la puissance sacrée, en fait qui fonctionne sur le même principe que les points de combo du voleur. Donc quand la puissance sacrée sera à son maximum, vous pourrez l'utiliser pour améliorer certaines techniques. Notamment ça pourra lancer des soins instantanés par exemple si vous êtes un paladin resto, un paladin sacré. Pas un resto. Ouais. Les paladins resto, S'obstine. Les paladins sacrés, ils sont super contents parce que ça ajoute plus de dynamisme et de fun à leur classe, sachant Ah ouais, que... c'est vachement fun de jamais descendre en dessous de 90% de PV, Voilà. hein. Par contre, les paladins vindictes, ils sont dégoûtés parce qu'en fait, ils ont l'impression de ne plus servir à rien. Alors, je me tourne vers Amandine. Toi qui es un paladin, est-ce que tu as pu tester ça ou pas déjà de ton côté? J'ai pas testé au Vindict, mais j'ai des amis qui sont vindictes et qui disent effectivement que ça ne sert à rien et qu'ils se font chier et que leur premier réflexe a été d'aller sur les forums de WoW pour dire à quel point ils étaient ravis. Alors, Oui, je... bah, de toute façon, les paladins, on connaît, hein. Dès qu'il y a un truc qui ne va pas, et ben moi, je dis non, faut arrêter. Faut arrêter parce que oui, ok, ils ont été nerfs. Ça les nerfe, en fait, sur le moment. Mais les paladins, je suis désolé de dire ça. Alors, ouais, je vais de nouveau prendre comme Amandine s'était pris, des mails d'insultes. Mais alors, Avez. faut arrêter de pleurer tant dès qu'un truc va pas. Putain. Là, on a vu, il y avait un pote là. On a vu le premier jour de la release de la bêta, tous les démons, tout le monde, les paladins, toutes les classes cheatées qui se plaignaient. D'accord? Qui se plaignaient, tout ça. Et à un moment donné, il y a eu environ 10 chasseurs qui ont balancé la même chose, qui ont dit, mais vous parlez de quoi? Vous avez vu le bordel que c'est chez les chasseurs? On doit tout réapprendre. Je veux dire, on doit tout réapprendre et pour l'instant, on fait pas mal du tout, quoi. Je veux dire, à part sous un burst spé bête. Donc, faut arrêter de se plaindre. Ça va Je veux avec dire parce Ludo, en que tant que prêtre, on se flingue pas, nous, hein. Moi, j'ai non rien non, non, ouvert. non, non le lance pas sur ça, le lance pas sur ça, Mandy, je t'en conjure. Non, mais justement, parce que je veux dire, les paladins à la raid, j'en ai joué contre. Ok, il y en a certains, ils étaient tellement habitués à claquer trois touches puis à tout casser que ben ils sont habitués, ils pensent qu'ils peuvent de nouveau claquer trois touches. Mais moi, je suis tombé contre des paladins qui, quand ils accumulent leur puissance sacrée, là, leur machin, ils arrivent vers un chasseur comme moi. Ou un chasseur qui a 25, 26, 28 KPV, il le trichote, d'accord? Ou il y en a certains qui, je ne sais pas comment ils font, mais ils sont capables de te mettre plus de dégâts à distance que toi. Donc, expliquez-moi où faut se plaindre. Peut-être, je veux dire, quand ça va pas tout seul, les gens se plaignent. Maintenant, peut-être va falloir essayer d'apprendre à s'adapter, apprendre à jouer, parce que ça, c'est un truc qui m'énerve un petit peu, les ouin-ouin tout le temps. C'est limite, les paladins se plaignaient quand ils avaient la tempête divine sous bubule juste avant Walk. Il se plaignait de ne pas avoir assez de régène de mana. Donc maintenant, apprenez peut-être un petit peu à vous adapter. Parce que bon, derrière, les paladins, vous pouvez faire du heal, du tank et du DPS. En attendant, si ça vous plaît pas, faites du heal, je sais pas. Nous, on peut pas changer, hein. Quand on DPS pas, ben, on DPS rien du tout, les chasseurs. Donc c'est peut-être un peu un coup de gueule, mais de tomber sur des forums et de voir les gens qui se plaignent, alors que c'est déjà des classes qui sont justes, mais faut arrêter quoi, des classes qui sont, je les vois tous en stuff courroucé parce que les mecs ils explosent tout en arène, et que les mecs viennent se plaindre dès qu'il y a un truc qui joue pas, mais alors c'est sur des kilomètres de plaintes, faut arrêter, voilà. C'est juste qu'avec tout le déploiement de ces nouvelles ressources, il faut simplement avoir un nouveau cycle de DPS et tout. C'est qu'en fait, tu peux pas faire autant de dégâts maintenant comme tu faisais avant le patch parce que avant tu avais de la mana et plus maintenant. Là, tu peux pas courir à tête baissée sur le gars et lui foutre des énormes coups d'épée sur la gueule. Tu dois un petit peu gérer d'abord, accumuler ta puissance et réussir à choper stun le gars au bon moment et lui taper dessus. Et au moins comme ça, bah, on vous en voudra pas quand vous utilisez votre bubule en duel parce qu'au moins elle vous servira à quelque chose. Par contre, j'aime toujours autant dispel la bubule des paladins. Ça me fait toujours triper ça en PvP. Oh, dès que je vois ça, c'est ma priorité. Je m'en fous, le mec est en train de moi, il est à côté de crever, c'est pareil. Je Tu vois le prêtre qui se barre. Ah, dispel! Ah, Grave! Il est ça en train c'est de mon casser truc. son heal, qui court à l'autre bout. Putain, j'ai vu un paladin sous bubule! Et là, je fais énorme, plus de bubule. Et là, il se fait démonter en 2 secondes. Ça, c'est le meilleur moment en PvP. Voilà, en gros, pour juste dire, c'est pas que je me braque contre ça, hein, mais je dis c'est en général. Pareil aux chasseurs. Moi, je sais pas, je parlais sur le canal, est-ce que je suis le seul à être content de cette mise à jour ou quoi? Je suis content, ça change. On a plus de mana, donc on peut gérer autrement. On réapprend à jouer, c'est intéressant. Mais moi, j'attends de voir Cataclysme. Mais arrêtez de pleurer dès qu'un truc va pas. Essayez de vous adapter, essayez de réapprendre un petit peu à jouer. Et voilà. Et maintenant, avancez un petit peu dans le jeu et attendez Cata. Et voilà. Alors ensuite, on continue, il nous reste encore deux classes, c'est les démonistes donc, qui abandonnent les éclats d'âme donc sous la forme de consommables, ça devient de nouvelles ressources. Et donc ils auront trois éclats d'âme qui pourront être utilisés via des sorts, via un sort qui s'appelle brûlure d'âme, et là en fait qui permettra d'améliorer ou de modifier les effets en quelque sorte du prochain sort lancé. Donc là apparemment ça a l'air d'être assez énorme au niveau des démonistes, ça leur permet de faire des très très gros dégâts d'après les premiers retours que j'ai eus. Alors en fait, si je peux me permettre, j'ai vu un petit peu que ce soit bon. Bien entendu, je m'appuie sur les combats que j'ai pu faire avec. Mais le démon, en fait, au début, ne va pas faire d'énormes dégâts au tout début, quand le combat se lance. Il va plutôt placer ses dots, mais vraiment pas comme avant, il place une ligne de dots et il envoie direct son burst. Là, il envoie une ligne de dots. Il attend, je crois, d'ailleurs, de créer ses fragments, je crois, ou un truc comme ça, ou je sais pas comment ça se passe. Et par contre, quand il lance le burst, ouais, là, ça part. Ça part d'un coup, puis après, il doit recommencer, en fait, si je me trompe pas. Ah Je sais pas si d'accord. c'est ça, mais c'est pas. Je crois pas que c'est super continuel en fait. Je crois que c'est vraiment des gros à-coups de dégâts. Je suis pas sûr et certain je suis pas sûr d'être sûr, vous voyez. Mais en tout cas, ce que j'ai pu voir, c'est qu'un démoniste en PvP, c'est l'homme à abattre dès qu'il commence à se battre pour éviter qu'il ait eu le temps de tout placer et de claquer ses gros trucs, parce que sinon, c'est quasiment impossible. Parce que sinon, au début, tu fais pas attention, en fait, tu te fais avoir en traître. C'est un peu comme le paladin version son, parce que le paladin c'est pareil, faut qu'il accumule sa puissance et ensuite il vous implose. D'accord. Et pour finir, les guerriers. Donc là, c'est une petite modif au niveau de la race qui va être plutôt normalisée. Et en gros, là-bas, en fait, la race, elle sera plus vraiment basée sur les dégâts infligés par les attaques automatiques, vous savez, par ce qu'on appelle les coups blancs. Et en gros, en fait, chaque attaque générera une quantité de rage. Les attaques en main gauche, c'est pareil. Et en fait, la hâte permettra de régénérer leur hâte plus rapidement. Voilà, en gros, c'est Alors pour. moi, je suis hyper contente. Franchement, j'étais toujours en orage. C'était hyper chiant en instance, mais je m'ennuie un truc de malade. Et ils ont changé plein de trucs. Ils ont fait en sorte que avant, par exemple, pour faire ton cri, tu devais avoir de la rage. Là, tu cries, puis après, t'as plus rien, parce que généralement, tu fais justement quand il te reste pas beaucoup, histoire de pas gaspiller. Alors maintenant, c'est quand tu cries que ça te donne de la rage. Ben normalement, ça Ah, devrait être ça. je suis Bah hyper, oui. c'est génial. Tu cries, tu te donnes un coup sur la poitrine, puis tu fonces, quoi. Je veux dire, Bah c'est un peu voilà, ça qu'il c'est faut pas le faire. principe de, tu sais, tu te tapes sur le torse et puis tu cries, puis du coup t'as plus rien, c'est n'importe quoi, tu sais, tu te dégonfles, genre. Alors là maintenant tu cries, et du coup ça te donne du courage, on va dire, et t'as de la rage, mais t'es plus à 2 ou 3 points de rage près comme t'étais avant où tu pouvais rien faire et tu tripotais pendant que tu voyais les mages qu'envoyaient la sauce à côté, quoi. Ouais, bah d'ailleurs, les mages envoient toujours la sauce. Hein. Oui, je confirme, effectivement. Mais D'ailleurs, maintenant tu te sens moins seul, quoi. en parlant justement des cris, ça me fait penser au buff. Là, justement, il y a une petite bonne nouvelle, je trouve, de mon côté, c'est qu'il n'y a plus besoin d'avoir besoin de composants pour lancer des buffs de groupe. On n'a plus qu'un seul sort de buff. Bon, par exemple, si je prends l'exemple du prêtre avec l'endurance et la résistance à l'ombre, c'est plus qu'un seul sort. Vous le lancez, ça lance automatiquement sur tout le groupe et sans composants. Ouais, Je trouve que c'est et ça mieux. c'est une grosse économie, puis une Ouais. économie de place aussi. Puis en même temps, ça évite de jongler entre le solo et le truc de groupe. Là, il n'y en a plus qu'un, c'est groupe et basta. Ça, c'est bien, je trouve. Une autre petite chose sur les guerriers, alors on peut comprendre, ils ont eu un petit up qui a été effectué, je crois, bah, juste dernièrement, parce que les guerriers DPS, je crois que c'était guerriers armes ou furie, en tout cas, ils se faisaient un peu casser la figure, quoi, d'après ce que j'ai pu voir. Bah, de toute façon, le guerrier, ça n'a jamais été une classe qui a été favorisée par rapport aux autres, ça c'est clair. Voilà, mais là par contre, alors j'ai vu un truc en champ de bataille cette nuit, parce qu'on teste, je teste les champs de bataille parce que ça me permet de voir un petit peu comment les autres classes gèrent. Et j'ai vu un war avec quasiment 50 PV, 50 000 PV. Donc visiblement soit stuff tank et compétences DPS, soit l'inverse. C'était une tuerie. Alors, je ne sais pas si vous pouvez regarder sur les forums ou quoi les wars si vous pensez que vous faites pas assez de dégâts en PvP, mais alors vous allez tout simplement faire ça. Le gars, il nous explosait, il régénérait sa vie, mais d'une façon éblouissante, hein, et on ne lui faisait rien du tout. Je veux dire, parce que aller descendre 50 000 PV quand le mec il a de la résie et de l'armure, c'est impossible. Non, mais il me semble que ça a été bien bien upé parce que même j'en suis au leveling encore. Avant, j'étais tout le temps très très bas en vie, mais après chaque ennemi, c'était constant, il fallait que je m'assoie et que je bouffe. Maintenant, rien du tout, je peux les enchaîner par 4 ou 5. Ouais. Bon, Oui, le est-ce fait, qu'il ouais. petit conseil aussi vite fait d'ailleurs pour en parlant de régène, je me plaignais qu'on serait la seule classe à pas avoir de régène. Alors si vous êtes chasseur, vous êtes cette spé bête et vous avez un esprit de bête, vous prenez cet esprit de bête. Il a un sort, tous les esprits de bête ont un sort en fait, une compétence qui vous régène en fait, plus. Moi, en fait, moi, ça m'arrangeait à peu près l'équivalent des dots d'un DK spé, je sais pas spé quoi, mais les dots que me foutait un DK, je me régénais à peu près autant. Mais qu'est-ce Donc, que t'appelles pas mal. esprit de bête? Moi, je connais que le knack. Bah, il y a Locknack, il y a Gondria, il y a l'ours, je sais plus comment il s'appelle. Et en fait, bah, c'est les esprits de bête, des esprits de bête, d'accord? Et bah, la compétence du familier, c'est guérison spirituelle. C'est l'esprit de bête rend à la cible alliée actuelle 2083 points de vie plus 1077 points de vie supplémentaires en 10 secondes. Et ça, visiblement, ça crit. Donc Ah, quand ça sympa. crit, bah, ça vous fait des fois, ça m'a fait de la coup pouf plus 4000. Ok. Puis bah, toutes les secondes, j'avais toutes les 2 secondes plus 200, plus 300, en plus. Du fait que quand on est spé bête, on régène grâce à son pet déjà, je crois. Bah ça donnait vraiment une bonne régène quoi, et on tient beaucoup plus longtemps quand on a ça, sachant qu'en plus on ne perd plus de mana. Bon, donc voilà pour les modifications sur les classes. Bon, bah là, on va passer maintenant au reforging, donc tout ce qui concerne la retouche d'objets. Alors, Amandine, est-ce que tu peux un peu nous expliquer ce que c'est, qu'est-ce que ça fait? Alors voilà, ça s'appelle reforging en anglais. Nous en français, on fait plus un petit peu plus tapette. On appelait ça la retouche. Donc le reforging, on avait l'impression que ça touchait aux armures, etc. Et chez nous, on dirait que ça touche à la couture. Mais enfin bon, tant pis. C'est ça d'être français. Donc la retouche Kezako. Donc dans Cataclysme, on aura quatre caractéristiques principales qui seront l'endurance, l'intelligence, la force et l'agilité. Alors ces caractéristiques-là, il est impossible de les modifier avec le système de retouche. Par contre, on peut modifier ce qui reste, c'est-à-dire l'esprit. Le toucher, l'expertise, le coup critique, la hâte, la maîtrise, la parade et l'esquive. Donc comment ça marche la retouche? En fait, il y a un PNJ qui se trouve visiblement près du... À côté Enfin, des en ce qui maîtres me concerne, enchanteurs, en fait. voilà, près des maîtres enchanteurs. Pour ce qui est d'Orgrimmar, après, j'ai pas visité les autres capitales pour savoir. Pareil pour Dala. Bon, bah, c'est toujours près des maîtres enchanteurs, alors. Les objets qui peuvent être retouchés, en fait, doivent être de niveau 200 ou plus, en high level. Et ça vous coûtera le prix de revente de l'objet à un PNJ. Donc comment ça marche? En fait, vous prenez une des caractéristiques que vous avez déjà sur l'objet et vous pouvez la convertir en une autre des statistiques secondaires que je vous ai citées à hauteur de 40%. Donc c'est-à-dire, mettons que vous avez 100 points en esprit, non, en toucher, on va dire. Mais ça ne vous intéresse pas du tout d'avoir 100 points en toucher, vous êtes déjà capé touché. Vous pouvez les convertir en 40 points d'esprit, par exemple. Ce qui est vachement intéressant. Il y a quelques restrictions quand même, dans le sens où vous ne pouvez toucher qu'une seule caractéristique secondaire, à la fois en tout cas, et vous ne pouvez pas améliorer une caractéristique qui est déjà une autre caractéristique présente sur cet objet. C'est-à-dire que si déjà vous avez du score de coup critique, vous ne pouvez pas en plus convertir la caractéristique du dessous aussi en score de coup critique. Juste une petite chose à rajouter également de mon côté, c'était par exemple si, bon, je vais encore prendre l'exemple du prêtre, si vous êtes un prêtre, bien sûr, vous ne pourrez pas vous ajouter du score de parade, par exemple. Ce sera toujours des statistiques en rapport avec votre classe. Enfin, ce qui est Oui, logique en même ça veut temps. dire que tu as essayé. Non, j'ai pas Ça me fait un essayé, peu mais j'ai peur, hein. regardé en fait les différentes stats qui étaient à dispo. Donc, Ah, parce que des fois que tu veux te mettre de l'esquive ou de la parade, enfin, c'est toi qui vois. Donc voilà, par contre, le fait que ce soit utilisable sur des objets supérieurs à 200, c'est vrai que le problème sur les objets d'héritage, on se demandait justement comment c'était géré. Mais bon, vu que les objets d'héritage sont considérés comme des objets de niveau 1, donc il n'y aura pas de reforging dessus, donc on est tranquille là-dessus. Ensuite, on a eu des modifications au niveau des guildes. JP, tu peux nous faire un petit point là-dessus? Ouais, donc comme l'a dit Amandine plus tôt, c'est l'onglet de guild qui a été déplacé de l'onglet, enfin de la fenêtre sociale. Donc on a un onglet, une fenêtre spéciale justement pour les guildes, avec tout d'abord la liste des métiers. Donc plus besoin de s'emmerder avec les informations à demander à chacun. C'est quoi ton métier? Tu sais faire quoi? Ou d'utiliser des add-ons pour savoir ce que font vos compères. Ben, maintenant tout sera centralisé dans les onglets de guild, avec vous accédez avec la liste des métiers de chacun, voir les niveaux de ces métiers et les recettes que peuvent fabriquer chacun des membres de la guilde. Et vous pouvez même faire des recherches en fonction de la recette que vous voulez. Imaginons que vous cherchez je sais pas tel enchantement, vous tapez le nom de l'enchantement et vous voyez s'il y a un gars de la guilde qui peut le faire. Et ainsi de suite, voilà. Ensuite, on a l'organisation des événements de guildes. Donc il y avait déjà ce qui avait été mis sur le dans le calendrier qui avait été mis précédemment. Là, on va avoir droit à créer des annonces et des événements spécifiques à la guilde. Donc ils seront visibles par tous les membres de la guilde et ils apparaîtront par défaut. Et je sais pas, par contre, j'ai pas eu le temps de regarder si ça apparaissait au moment de la connexion, c'est avec les informations de guilde, si on avait le droit, si on avait accès à ça en fait. J'ai pas Bonne vu encore. question. Vu qu'on n'en a pas créé, je pourrais pas dire non plus. Voilà. Et ensuite, ben, on a une amélioration au niveau des rangs qui va permettre, ben, on pourra renommer les rangs. Ça c'est voilà. C'était déjà présent, il me semble, avant. Bon, la major, enfin la mise à jour majeure en fait, c'est l'histoire des rangs avec l'authenticator en fait. C'est que un rang pourra être créé. Bon, c'est plus pour tout ce qui est gestion de banque en fait. Un rang pourra être créé et on pourra mettre des personnes dans ce rang-là que si elles ont un authenticator rattaché à leur compte Battle.net. Donc ça évitera les hackings de comme on a eu par exemple avec Guild Wotaku où on se fait prendre toute la banque par un petit malin bon qui s'est fait hacker, c'est pas de sa faute, mais bon, c'est pour plus de sécurité, ça permet une barrière supplémentaire avec les banques, Ouais, voilà. c'est bien pratique, ça d'empêche, je trouvais. Ouais, c'est une bonne idée qu'ils ont mis en place. Bon, après ça jamais suffit qu'il y ait un tel. Enfin, je sais pas. En fait, j'ai essayé de réfléchir à comment on pouvait passer outre ce truc-là et j'ai pas vu encore. Comment passer outre, c'est-à-dire? L'authenticator, en fait. Enfin, pas l'auto passer outre ce truc-là de l'authenticator Ah, une autre de ce rang, solution? en fait. Ouais, Ouais, de ce non. rang d'authenticator, en fait. Parce que je pense que c'est le truc ultime au niveau. Ouais, niveau sécurité, ouais, c'est vrai que le fait de pouvoir consulter les métiers de la guilde, ça c'est vraiment pratique. Moi, ce que j'ai surtout aimé, c'est de voir qu'on pouvait également les consulter hors ligne. Enfin, c'est-à-dire, vous voulez voir qui fait du travail du cuir dans la guilde et vous voulez voir ce qui peut faire le plan que vous voulez. Vous pouvez également consulter la liste des personnes qui sont déconnectées. Et après, lui envoyer un petit message pour lui dire s'il peut vous faire, par exemple, ce plan. Ça, c'est extrêmement pratique, je trouve. Ce qui est génial, c'est qu'on peut aussi charrier les gens quand on voit qu'ils sont à 21 au minage. Ouais. Oui, aussi. Ensuite, une grosse modification, une modification au niveau des glyphes. Désormais, on en aura 9 qui seront départagés en 3 primordiales, 3 majeurs et 3 mineurs. Alors, les mineurs, ça reste toujours la même chose, donc c'est-à-dire, ce sera les petits glyphes qu'on peut utiliser de composants sur certains sorts. Par exemple, chute lente, lévitation, changer peut-être en chat, enfin, la métamorphose du mage deviendra un chat ou d'un mouton, etc. La majeure s'ajoutera de façon générale des effets additionnels aux sorts et techniques. Et les primordiaux, ça permettra en fait d'augmenter les dégâts ou les soins de vos sorts. Ou de vos compétences. Alors, par contre, il y a maintenant une modification au niveau des glyphes. C'est que ce ne sont plus des consommables. Donc, c'est-à-dire jusqu'à présent, vous achetez un parchemin avec une glyphe dessus, vous l'utilisez, le parchemin enfin, disparaissait, et si vous voulez respécialiser, il fallait modifier toutes vos glyphes. Et là, en fait, les glyphes déjà acquises, il fallait les racheter. Maintenant, vous avez une nouvelle interface, dans le sens où quand vous allez apprendre une nouvelle glyphe, ça va s'inscrire directement dans l'interface, c'est comme si vous apprenez un sort, en fait. Et ce sort, vous pourrez l'utiliser à volonté en fait pour l'appliquer sur vous ou pas. En fait, on apprend et on désapprend. Enfin, on désapprend surtout via une nouvelle espèce de poussière qui sera achetable soit auprès d'un PNJ, soit auprès des calligraphes. Si je comprends bien, c'est on a un glyphe, on l'apprend, Oui. il est dans un livre spécial. Et dans la même fenêtre, en fait, des glyphes sera sur la droite, tu D'accord. auras toute une liste qui défile, tu auras déjà tous les glyphes que tu connais, ceux que tu ne connais pas. Et ceux que tu D'accord. connais, tu appliques une poussière et tu peux effacer la glyphe que tu avais et la remplacer par la nouvelle. Sans avoir besoin à chaque fois de racheter. Attends, le truc c'est que tu l'auras pas de façon permanente, t'auras une certaine, enfin t'auras une limitation au niveau des glyphes que tu peux apprendre. Non, tu peux toutes les apprendre, les glyphes, si tu veux. Tu les apprends D'accord. toutes et après, à toi de faire la bonne combinaison comme tu veux. D'accord, ouais. En Je fait, elles verrai sont ça. disponibles en permanence et tu peux simplement les apprendre ou les désapprendre en fonction de tes besoins. Voilà, exactement. Ouais, comme dans une rospé, quoi. Ou une Voilà. rospé, ou si tu as envie de tester Ouais. certaines glyphes pour voir leur rapport, ben, tu D'accord. prends une Ah, poussière d'accord, et hop, ok. voilà. Ouais. Ouais. Plus besoin d'aller acheter aux enchères. Ouais, c'est vachement pratique ça d'ailleurs. Alors ensuite, on va vous parler, donc là, on va vous demander d'être un peu plus concentré. Parce que nous allons parler en fait du nouveau système de points d'honneur, points de conquête, points de victoire, points de je suis content. Emblème, etc. Voilà, donc c'est la nouvelle monnaie en fait dans World of Warcraft. Donc Circle va nous expliquer tout ça. Enfin, du moins il va tenter. Ouais, je vais tenter. Bah, en fait, c'est pas très très compliqué, hein. Vous avez certainement reçu dans votre boîte aux lettres, quand vous êtes connecté la première fois après le patch, des petits mails en fait, des maîtres de guerre, comme quoi, Des ben, PO. avec des PO. Pourquoi? Ouais. Parce qu'en fait, tous vos vieux emblèmes, vos vieux machins, vous ont été restitués en PO parce que ça a disparu. Ça a été remplacé par vraiment des monnaies uniques. Donc en fait, il ne vous reste plus que pour le PVP des points d'honneur et des points de conquête. Donc les points d'honneur, ce sera les points pour les BG. Et quand vous tuez des ennemis, que ce soit en PvP sauvage, au joug par exemple, dans les champs de bataille, et que vous faites des quêtes journalières de champs de bataille ou autres, que vous tuez aussi, par exemple, à l'heure actuelle, si vous tuez un boss d'une instance et que le joug d'hiver appartient à votre faction, vous gagnez aussi, à la place de l'éclat du gardien des pierres, des points d'honneur. Tout s'achète par les points d'honneur. Les points de conquête, ensuite, c'est pour les arènes, si je ne me trompe pas. Petite parenthèse, arène et champ de bataille côté. Arènes et champs de bataille côté, oui, parce que tout ce qui sera avec des cotes, donc avec évolution, on va dire personnelle et d'équipe, en fait, ça vous donnera des points de conquête. En fait, bah, ce sera simplement le coût qui va changer, puisque, bah, par exemple, un objet qui coûterait en points d'honneur 1000 points d'honneur va peut-être coûter un peu moins en points de conquête, etc. Il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est que ben, au lieu d'avoir une limite à 75 000, par exemple, on peut dire que 10 000 points de, 10 000 anciens points d'honneur équivalent à l'heure actuelle à 1 000 points d'honneur. C'est-à-dire que, il y en a moins besoin pour acheter quelque chose. Ensuite, une autre monnaie qui est apparue, donc ça c'est vraiment la monnaie unique, c'est les points de justice. Et là, c'est tout ce qui concerne les raids, donc le PvE. Il n'y a plus d'emblème de machin, d'emblème de givre, d'emblème d'autre chose. C'est tout des points de justice. Vous en gagnez plus ou moins suivant ce que vous faites. Et ensuite, tous les objets seront échangeables contre divers montants de points de justice. Et en fait, c'est tout. Il n'y a pas grand-chose à savoir de plus, je crois, par rapport à ça. C'est bien parce que ça aère vachement nos monnaies, parce qu'avant on avait une page pleine avec plein de trucs, des Ah trucs de ouais, la c'est capitale clair. risque qui servaient à rien, des vieux points, des vieux trucs. J'étais encore allé échanger à Keldanas pour rigoler, parce que j'avais des vieux points de juste des vieux emblèmes de justice, vous savez, un signe de Ouais. justice de BC, qu'on s'était pété à farmer pour ça, et puis ben on pouvait plus rien en faire, quoi. Donc là, ben au moins, vous pouvez garder, et en plus ce sera beaucoup plus facile pour choisir quoi prendre en fait. Alors c'est vrai qu'il y a noté à l'heure actuelle, je crois que c'est Ludo, c'est toi qui m'en avais parlé, il y a un petit bug, je sais pas si c'est un bug en fait, mais en tout cas à l'heure actuelle il n'y a plus besoin de code d'arène vu qu'on n'en a pas, enfin on en a toujours, mais vu qu'ils ont implémenté les points d'honneur, il n'y a plus besoin de code d'arène pour prendre le stuff, l'équipement courroucé, à part les épaulières. On peut tout prendre, il suffit d'avoir assez de points d'honneur, donc la monnaie, et vous allez vous attraper tout l'équipement. Alors moi je dis peut-être qu'ils ont laissé ça volontairement parce que ben, de toute façon on arrive à la fin, il n'y a plus de nouvelle saison d'ici Cataclysme, et peut-être les gens ont envie d'un petit peu s'expérimenter au PvP sans se faire complètement laminer par des mecs complètement équipés, quoi. Mais je pense qu'avec le recul maintenant, je crois que c'est normal. Parce qu'en fait, on sait qu'à Cataclysme, par exemple, tout ce qui est armes JCJ, ce sera disponible avec des points d'honneur et plus forcément avec ce qu'on appelait maintenant une cote d'arène. Enfin voilà, avec les deux, en Voilà. fait. Enfin, avec la cote, il y aura des cotes pour certains trucs, cote BG et cote ou cote d'arène, et de toute façon des points d'honneur vu que ce sera une monnaie unique. Voilà, donc vu qu'à Cataclysme on n'aura pas besoin de ça, je pense que c'est ça en fait, vu qu'ils ont remplacé la monnaie, on n'en a plus besoin. Alors peut-être c'est un bug, mais bon, en tout cas, j'ai acheté toutes les armes. Ça c'est bien pratique pour le PvP, c'est vraiment ce qui manquait à Wrath of the Lich King, c'est d'avoir des armes avec la résilience dessus. Et là ça fait vraiment du bien d'en avoir. Ouais. Et là, j'avoue que j'ai pris le gros Scramasax, là, enfin la la grosse épée là de Kikoulol, parce que voilà, j'avais envie. Alors ensuite, une petite modification, bon là c'est assez mineur, c'est au niveau de tout ce qui est récolte, donc là minage et herboriste, JP, tu peux nous parler de ça, apparemment il y a des points d'expérience. Ouais, enfin, je l'ai pas testé. C'est un autre, c'est Taroche de notre guilde de Wotaku qui nous l'a présenté. C'est qu'il y aurait l'expérience quant au collecte des ressources pour le minage et l'herboristerie. Donc, moi, je l'ai pas encore testé. Je verrai ça. J'ai pas fait gaffe en fait. Bah, J'ai je pas vu ça dans les confirme. patch notes en fait. Bah, j'ai pas vu non plus, mais hier, je suis allée, j'étais dans une zone bas niveau, j'ai miné un truc d'étain, je vois qu'il y a 10 points d'XP qui apparaissent de nulle part. Donc j'ai pas fait tout de suite la relation de cause à effet. Ensuite, je me retrouve dans les et je mine un filon de thorium, et là, je vois 1250 d'XP qui viennent de nulle part. Donc je confirme effectivement qu'on récupère de l'XP en minant et en cueillant maintenant. Et ça ne marche pas avec le dépeçage, par contre. Ouais, tout à fait, on en parlait tout à l'heure, c'est que effectivement, comme disait Amandine, c'est vu qu'en fait on va tuer l'animal, on va déjà récupérer l'expérience, donc pas d'expérience supplémentaire quand on dépasse. Et pour changer, c'est un métier que je fais et je suis bien baisé. D'ailleurs, à noter, pour tout ce qui est métier, vous avez des nouvelles recettes qui sont disponibles. Alors par exemple, si on prend tout ce qui est couture, vous n'avez plus de spécialisation, donc vous pouvez acheter tous les plans qui étaient à vendre les spécialisations. Spécialisation que vous ne pouvez pas prendre, vous pouvez les acheter, les apprendre maintenant. Tout ce qui est travail du cuir, vous avez également toutes les spécialisations qui ont été retirées, donc vous pouvez acheter les plans auprès de votre entraîneur. Et ça doit être également pareil pour tout ce qui est forge, je n'ai pas encore testé, mais voilà, donc tout ce qui est spécialisation des métiers ont été supprimés. Alors peut-être certaines dans l'ingénierie, je crois qu'il y a toujours spécialisation goblin et gnome. Je ne veux pas dire de conneries, mais je suis pas sûr. Ben voilà. Alors ensuite, on va parler également de quelques modifications qui ont été opérées sur les statistiques. Est-ce qu'il pourrait peut-être vous expliquer pourquoi vous avez d'un coup autant d'intelligence? Même le changement d'intelligence pour moi était fulgurant. Je suis passé de 19 000 à 31 000, c'est hallucinant. Alors pour commencer, on va parler des stats qui ont été retirés du jeu. Donc tout ce qui est le MP5, donc les points de mana reçus toutes les 5 secondes, tout ce qui est défense, les rangs des sorts et la compétence d'armes. Vous savez, genre bâton, vous êtes à 300 sur 450, etc. Tout ça a été retiré. Donc, à mon avis, avec ça, peut-être les hauts faits liés à soupe de phalange ou les choses comme ça, qui nécessitaient 400 points en combat manu, ont dû être retirés. Je pense, je n'ai pas regardé. Justement, je suis curieuse, je suis pas allée voir sur mes personnages qui l'ont. Bref, Je voilà. me demande si c'est devenu un tour de force ou pas. Ensuite, tout ce qui est puissance d'attaque et puissance des sorts, ça a été retiré, mais dans une certaine mesure, on retrouvera toujours cette stat sur les armes uniquement et pas sur les armures. Voilà, donc puissance d'attaque et puissance des sorts. La pénétration d'armure également, ce n'est plus du tout présent sur les objets. Toutefois, ça persistera dans certaines capacités ou talents. La valeur de blocage du bouclier, en fait, elle n'existera plus en tant que caractéristique. Ce sera simplement des effets qui permettront d'augmenter le pourcentage de blocage. Et le score de bouclier également, enfin, ça se ressemble un peu les deux, je me suis toujours perdu moi perso entre les deux, entre la valeur de blocage et le score de blocage. Et tout ce qui est score de blocage, ça a été également remanié. En fait, vous aurez un pourcentage de chance de bloquer en fait un coup, et quand vous bloquerez, ce ne sera pas 100% du coup vous bloquerez, donc ce sera toujours environ 30% plus les talents, etc. Après tout ce qui est esprit, ce sera beaucoup plus au cœur de tout ce qui est soigneur. Ça sera tout ce qui est régénération de mana. Donc apparemment, les soigneurs en auront besoin de beaucoup. L'intelligence, donc ça prendra toujours en charge donc la puissance des sorts plus le coup critique. Donc c'est pour ça que vous n'avez plus de puissance des sorts sur vos objets, enfin l'équipement plutôt. L'endurance, donc là, ce sera augmenté donc au patch 4.03, je crois, pour toutes les classes. Ce sera un peu plus harmonisé. La résilience n'interférera plus en fait avec le nombre de chances de recevoir un coup critique. Ça va juste jouer sur les dégâts que vous feront les autres joueurs et familiers. Donc apparemment, il risque d'avoir une petite up de la résilience d'ici Cataclysme. Parce qu'apparemment, c'est un peu boucherie sur les champs de bataille. Je confirme. Ben ouais, j'allais y venir en fait maintenant. On voit beaucoup de gens qui viennent en équipement PvE. Tout simplement parce que les dégâts qu'on reçoit de toute manière, on en reçoit plus ou moins suivant le gars qui nous tape. Mais les statistiques des équipements PvE, on va dire plus élevés, c'est-à-dire les ICC, tout ça, ça nous permet de faire énormément de dégâts. Donc bon, ben voilà. Donc il parle Donc. peut-être de la doubler justement la valeur de la résilience en attendant Cataclysme pour combler à ce problème justement. Tout ce qui est armure également, vous avez peut-être remarqué que votre personnage est un peu plus résistant à tout ce qui est attaque physique parce que les points d'armure ont été un peu plus lissés. En gros, le tissu sera plus ou moins proche d'une valeur d'armure que de la plaque. Il y aura toujours une différence mais ce sera moindre. Une nouvelle statistique qui s'appelle la maîtrise qui permettra justement aux joueurs en fait d'augmenter le troisième bonus de leur spécialisation. Donc, si on prend par exemple un prêtre aux soins, ce sera les soins. Si c'est par exemple prêtre discipline, ce sera en fait chaque point de maîtrise augmentera par exemple de 2,5% le taux d'absorption des boucliers. Si c'est des classes à dégâts, ça fera beaucoup plus de dégâts, etc. Donc, apparemment, la maîtrise, ça va vraiment devenir une statistique à prendre vraiment en compte au moment de cataclysme. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a des gens qui ont commencé déjà à la prendre en compte actuellement, qui font des tests avec des gemmes. Je ne sais pas, j'ai pas encore commencé à tester en fait, mais je pensais voir justement pour déjà prendre mon équipement juste inférieur au niveau par exemple du PvP, de m'équiper, de remplacer certaines caractéristiques avec la retouche par de la maîtrise en fait ou de l'expertise, je sais plus maintenant. Et en fait, bah, faire en sorte de voir si on augmente considérablement ça, si ça change quelque chose ou pas en fait. Apparemment, ça a l'air d'être assez concluant, enfin, dans une certaine mesure, peut-être pour certaines classes. À voir, ouais. Ouais. Ensuite, la hâte, ça devient vraiment au cœur, en fait, des statistiques. Parce que non seulement ça permettra, donc, si vous êtes un voleur, un chasseur, d'augmenter votre barre de régénération, enfin, focalisation ou énergie. Ça vous permettra de lancer des sorts plus vite ou taper plus vite si vous êtes au corps à corps. Donc là, ça devient vraiment très intéressant. Et pour finir, la parade en fait ce sera au même titre que l'esquive, vous aurez une certaine chance, enfin, un certain pourcentage de chance de parer un coup, et la force que vous aurez pourra influer également sur la parade, plus vous avez de force, plus vous aurez un peu de parade. Donc voilà, enfin, pas mal de changements au niveau des stats, en gros maintenant ce qu'il faut garder à l'esprit c'est les stats, ce sont l'endurance, l'esprit, l'intelligence, la hâte, la parade, la maîtrise, la résilience, pour le PVP et l'armure dans une certaine mesure. Pour en revenir tout à l'heure au fait sur les compétences d'armes, c'est effectivement devenu des tours de force. Voilà, donc ça n'existe plus, ouais. En ce qui concerne les gemmes, forcément, il y a eu des changements de couleur, puisqu'il y a eu aussi des changements de caractéristiques. Donc déjà, les conversions de caractéristiques sont que la pénétration d'armure qui n'existait plus a été convertie en fait en chance de couleur. La défense qui n'existe plus non plus en esquive et des fois en parade quand ça n'allait pas avec les autres statistiques de la gemme. MP2, forcément de l'esprit, la puissance d'attaque de l'agilité et la puissance des sorts de l'intelligence, ce qui explique l'énorme puissance des sorts de Ludo, comme elle est grosse. Donc, les changements de couleur. Afin que ce soit plus facile de répartir toutes les statistiques, le toucher est maintenant une gemme bleue, donc elle rejoint l'endurance et l'esprit. La maîtrise et l'esquive deviendront des gemmes jaunes. Donc comme ça, le choix que vous avez dans les gemmes jaunes devient plus important. Il n'y a plus que le coup critique et ce genre de truc. Et l'intelligence devient rouge. Alors qu'auparavant, elle était Verte. jaune. Oh Ah, là! Au mince, je suis secours. trop mauvais. Donc l'intelligence devenue rouge, vous pouvez par exemple faire des mélanges entre les chances de critique et l'intelligence. Ce qui avant n'était pas possible, c'était soit l'un, soit l'autre. Voilà, donc c'est sur le paragraphe des gemmes que se clôt en fait cette grosse partie sur le patch 4.01. Bon, je pense qu'on a encore des tonnes à dire, hein, parce que vu toutes les modifications qui ont été opérées. Alors là, on va parler un petit peu de Cataclysme, pas grand-chose hein, au niveau des news. Bon, maintenant, tout le monde le sait, bien sûr, Cataclysme sortira le 7 décembre. Au niveau des modifications sur Cataclysme, une petite chose au niveau du haut fait des guildes. Amandine, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Alors voilà, c'est une modification en fait du nombre de joueurs qu'il faut pour pouvoir faire les hauts faits de guilde, donc comme ça va bientôt arriver. Alors pour un donjon à 5 joueurs, il faut 4 joueurs de la même guilde. Pour les raids ou pour les champs de bataille de 10 joueurs, il faudra 8 joueurs de la guilde. Donc on peut dire qu'en général, il vous faut quand même 5 sur 10 ou 8 sur 10. Pour les anciens raids, par contre, les anciens raids 25, il suffit seulement de 8 joueurs de la guilde, puisqu'on sait que de nos jours, il faut plus du tout 25 joueurs pour faire un ancien raid du type par exemple de Molten Core ou Anchorage. Pour les raids ou les champs de bataille à 25 joueurs, mais actuels, maintenant il faudra 20 joueurs, ce qui est très faisable. Pour les raids à 40 joueurs anciennement, il en faut seulement 10. Et pour les champs de bataille à 15 joueurs, il vous faudra 12 joueurs. D'accord, ouais, ça c'est le champ de bataille côté, non? Voilà, c'est ça. Et pour finir, bah, pour les arènes, il vous faut pour une 2 contre 2, il vous faut 2 personnes, 3 contre 3, 3 En fait, personnes, et 5 bah ouais. contre 5, 5 personnes. Voilà. C'est Et full 10 guild. contre 10, 10 personnes, et attends, c'est ma fucking trop. Voilà, bientôt 40 contre 40. D'accord. Donc on peut dire qu'en majorité, il faut 80% de joueurs de la guilde. Ouais, en gros, c'est un très bon calcul, Amodine, t'as fait sa tête, dis-moi? Ah non, mais j'ai posé, hein. Qu'est-ce que tu crois? J'ai retenu et tout. Alors ensuite, des modifications au niveau de Shattrath et d'Alaran, les portails disparaissent, si j'y Les portails disparaissent, car dans Cataclysme, comme vous le savez sans doute déjà, il n'y aura pas de nouveau sanctuaire, enfin de ville neutre, donc pas de point d'attache avec des portails et trucs comme ça, parce que Blizzard veut que les capitales et les changements qu'il y a en capitale deviennent des points importants du jeu. Et plus des passages, tiens, je passe par là pour juste prendre mes sorts, je m'en vais, et ils veulent en faire des bases importantes en fait de WoW maintenant. Donc il Pas n'y des aura plus capitales. oui, des capitales, ouais, plus des villages qui servent à rien, quoi. Surtout que vu les changements qui va y avoir, ça va être qui sont sacrément impressionnants, vaut mieux. Donc à Shattrath et à Dalaran, il n'y aura plus de portail. Seulement, ils ont rajouté les maîtres de classe et les hôtels de vente. Justement pour les gens qui recommenceront de zéro et devront continuer quand même à passer par l'Outre-Terre et par le Norfandre. Donc ça, pas besoin de revenir forcément à Orgrimmar et compagnie ou à Hurlevent On m'a pour dit vendre ses affaires. d'ailleurs qu'il y aurait des comment ça s'appelle des portails enfin non pas des portails des fly directement en direction de Shattrath, non? C'est juste hein? Comment Comment ça? c'est-à-dire depuis les villes depuis nos capitales on pourrait prendre des fly directement pour Shattrath. Ça me paraît Ça, bizarre c'est du quand fly quand même. Oui, J'ai jamais entendu. moi aussi ça me paraît bizarre. Peut-être du fly gobelin fusé? Le faucon des arcanes, tu sais. Ah, C'est c'est un peu clair. comme le bateau en fait, un peu comme Ah, le bateau. le nouveau pet, ça sera le 747. Ouais, Voilà. bah, ça veut dire que le griffon, il va voler à travers l'espace C'est pour ça. changer de planète. Bah Vous voulez découvrir la puissance fusée? Donc voilà, il y aura plus de portail. Il va falloir se démerder à pied. Fini les. Oh, salut le mage, tu me fais un TP d'Alaran, puis tu mets ta pierre de foyer à l'auberge, et voilà, t'es tranquille du niveau 1 à 80. Voilà, c'est fini. Alors ensuite, pour tout ce qui est fils de calife et personne assez avare, la limite d'or est repoussée, Amandine. Tu peux nous en dire Ah oui. plus? Bah écoutez, j'ai qu'une phrase à vous dire, c'est que la limite d'or est apparemment repoussée. Avant, elle était de 123 000, je sais pas trop quoi, patati patata, qui ne tombait pas du tout pile. On ne sait pas avec quel hackbreak, mais ils avaient calculé ça. Mais maintenant, c'est 999 999 pièces d'or, 99 pièces d'argent et 99 pièces de cuivre. Ensuite, donc ça c'était tout, hein, justement pour Cataclysme. Voilà, pour les principales news, on va dire, de ce dernier mois, plus ou moins. Il y en a eu pas mal sur le patch. Alors maintenant, je vais vous recommander la lecture de deux tutoriels qui ont été extrêmement bien faits pour tous ceux qui s'intéressent à la machinima et au movie making sur WoW, ouais, sur WoW surtout en général. Donc c'est Holybeat. Le premier article, c'est un trait sur WoW Model Viewer. Donc en fait, c'est un logiciel qui vous permet justement de taper dans la base du jeu et de voir tous les modèles en 3D hors du jeu. Et le deuxième, c'est comment capturer avec Fraps. Donc en fait, il va compléter ses articles, il y aura donc d'autres articles à venir. Franchement, c'est accessible à tous, c'est très bien expliqué, des captures d'écran. Franchement, Olibits nous écoute, un grand bravo à toi, c'est de très grande qualité, et personnellement, j'attends les prochains guides avec grande impatience. Alors qu'on ne fait même pas de maquinima d'ailleurs. Oui, tout à fait, mais C'est dire que si tu j'en ai t'intéresses. fait une. Ouais, moi aussi, je m'y intéresse également quand même de mon côté. Ouais, moi aussi, purement en amateur, mais je trouve ça. Enfin, son tutoriel est très sympa. Et pour terminer ce otaku en beauté, parce qu'il le fallait bien, une petite note wotakienne, je sais pas si ça se dit, c'est Circle en fait qui vous a fait la vidéo, franchement sublime. Alors, en fait, c'est le but, c'est pas de faire un énorme montage ou quoi. C'était, j'ai vu qu'on a la bêta depuis un moment. Ça faisait un moment que je me suis dit, vu que maintenant la plupart des zones ont été dévoilées, des screenshots officiels ou pas, des vidéos, machin, bah, je voulais faire le tour d'Azeroth, passant par Kalimdor, Royaume de l'Est, et prendre les zones principales, en fait, faire un petit peu des passages aériens et. Ou plus ou moins aérien, on va dire, et bah, simplement compiler tout ça avec une jolie musique, et puis voilà. Donc bah, je l'ai fait, j'ai fait une première partie, c'est Kalimdor, qui est malheureusement de moins bonne qualité, parce que vu que je suis pas du tout un expert, ben, j'ai filmé avec la taille de l'écran énorme, j'ai dû réduire tout ça, la vidéo pesait des gigas, c'était pas possible, et bon, je l'ai encodé, donc ça va, on va dire. On peut vous regarder. Et la deuxième vidéo, cette fois, je me suis dit, bon, je vais m'appliquer un petit peu. Et j'ai essayé de faire quelque chose de bien, plus ou moins bien, avec une meilleure qualité, toujours avec des musiques que j'aime bien. Et puis voilà, ça fait deux films de 7 à 8 minutes chacun. Et puis, comme ça, vous découvrirez paisiblement les nouveaux continents de Azeroth à Cataclysme. Ah oui, c'est vrai effectivement que bon, c'est sûr que parfois au niveau du travelling c'est un peu saccadé ou quoi, mais en fait moi je trouve que le truc qui a fait la plus grosse force et qui m'a foutu les frissons à plus d'une reprise dans ces vidéos, c'est la musique choisie en fait. Là on sent vraiment l'oreille musicale et putain la musique elle colle super bien, c'est hallucinant et elle est trop belle. Merci. Voilà, c'est pour moi le truc qui ressort le plus de la vidéo, c'est d'une part c'est tout ce que tu vois, tu te dis « Oh putain, comme ça change !» Voilà. Et la musique est vraiment belle et au moins rien que pour la musique, c'est franchement à voir. Mais c'est vrai que c'est des vidéos de bonne qualité. Franchement, bravo Circle. Ben merci, c'est gentil. Et donc c'est sur cette note cataclysmique que nous allons terminer ce otaku. C'est beau quand même ce jeu de mots que je viens de vous sortir. Tout à fait. J'en ai les larmes aux yeux limite. Oui, encore une petite news aussi. Sachez que le Murloc Insider numéro 7 est sorti il y a quelques jours. Donc si vous avez pas été, si vous l'avez pas vu, allez le voir sur le site de Haut Monde Persistant. Je voulais rappeler aussi que ça va très bientôt être la censure. Oui, d'ailleurs, ça commence demain. Alors, quand vous allez écouter ce podcast, à mon avis, ce sera déjà commencé. Voilà, ce sera déjà fini. Non, non, quand même pas. Vous allez sûrement l'écouter mardi ou mercredi au plus tard. Donc, ben, si c'est le cas, sachez que la 500 est en cours sur les Royaumes, sur le serveur officiel. Donc, voilà, précipitez-vous et tentez de gagner la monture du cavalier sans tête. Et si vous la gagnez, surtout ne me le dites pas, parce que je vais être dégoûté. Et voilà, c'est la fin de ce 14e otaku. Je pense que vous avez fait le plein de news pour un bon moment. Au moins, ça vous occupera le temps que les serveurs soient down et redémarrer. En espérant que ce soir, ça rentre un peu à la normale, parce qu'en ce moment, c'est un peu l'hécatombe. Voilà, donc Amandine, JP, Circle, je vous dis à la prochaine. Peut-être un petit mot pour finir? Enfin, moi je dis à tous bonne BlizzCon pour ceux qui ont racheté les patchs, les passes Les patchs! les patchs vidéo, voilà, les passes vidéo et pour bon voyage à Edonis et au OMP sur la BlizzCon. C'est pas juste. C'est pas juste, on n'est pas. Pas content! Pas content! Pas Pêcheur en un circle qui a pas pu y aller. Voilà, non mais je vous avoue que c'est comment dire ça? J'ai les boules mais grave parce que là je vois que des Julien et que des Denis tout ça se barrent maintenant, d'accord? Ils sont dans l'avion, d'accord? J'ai d'autres personnes que je connais qui se barrent là-bas, qui vont être tout contents, hein? Et moi je suis là alors que j'ai le billet, j'ai mes billets d'avion. Bah, au moins tu pourras dire, moi j'ai le billet, mais j'y serais pas allé. Voilà, moi. En plus, ça avait le passe-presse, tu vois. Tu aurais pu faire coucou à la foule qui faisait la queue. Tu fais genre la star, tu repasses plusieurs fois devant eux. Bah, là où j'aimerais bien avoir un passe-presse, parce que j'y serais, en tout cas, je ferais tout pour y être. On fera tout pour y être. C'est pour la release de Kata aux Champs-Élysées. Je n'y serais pas. Mais c'est pas merde. Je t'emmerde. Genre, t'es le salaud. Ouais, normalement, on y sera. Alors, JP. JP, non. Moi, ça reste encore confirmé, mais apparemment, Circle Amandine, c'est sûr, vous y serez. Voilà. Voilà, Et bon, la ouais. petite info du Otaku, c'est qu'on sera là à la sortie sur les Champs-Élysées, il me semble. 2 sur 4, et moi, c'est à confirmer. Bon, ben, prenez bien votre mal en patience avec tous les bugs. J'espère que ce sera le plus court possible, hein, enfin, au niveau de la résolution. Et on vous dit à la prochaine, et d'ici là, jouez bien. Salut à tous. Jouez bien. Ciao, ciao. Bye bye. Elle demeure.